Stephen King aime les millionnaires, Stephen King aime Stand By Your Man, Stephen King a écrit Le téléphone de Monsieur Harrigan et John Lee Hancock l'a adapté. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour parler d'un nouveau film adapté de King, assez récent, Le téléphone de Monsieur Harrigan, et la nouvelle éponyme se trouve dans le recueil Si ça saigne, qui contient 4 histoires, on y reviendra un peu dans le développement. Voilà, première fois qu'on aborde le recueil. Oui, c'est ça. En même temps, il a été adapté que 2 fois pour le moment et la deuxième sortie est très très récente. Oui. Elle date de cette année. Exactement. On peut mentionner que dans le classement ciné d'écran large, je ne sais pas si tu as vu, mais pour eux, c'est le premier film 2025, La vie de Chuck. J'ai vu, mais tu sais que La vie de Chuck, globalement, plaît à énormément de monde. Hein. Oui. Bon, après, on n'est pas à l'abri que ça nous plaise aussi. C'est un peu différent. Oui, c'est ça. On n'est pas à l'abri de trouver ça au moins décent, on va dire. Au moins décent. Ouais, que veux-tu que je te dise ? Non, mais là, tu pars d'un avis parce que c'est réalisé par notre Némésis, c'est pour ça. Oui, bah c'est, écoute, j'ai le droit d'avoir des a priori. On n'y est pas encore. C'est comme si Emmanuel Macron me dit du jour au lendemain qu'il va avoir une politique sociale, bah, je partirai avec un a priori négatif. Et si Emmanuel Macron te disait, moi, vous savez, j'adore l'œuvre de Stephen King, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Comment tu réagis à ça ? Bah, je change de passion et je me mets à lire du Marc Lévy. déjà, on pourra lui dire, bah, du coup, monsieur, vous ne comprenez pas ce que vous lisez, n'est-ce pas ? Oui, en plus, oui, effectivement. Parce que je pense que si Stephen King était français, il n'aimerait pas trop la politique d'Emmanuel Macron. Oui, ça, très certainement. Hein. Sinon, pour les actualités, on peut mentionner aussi que la série Welcome to Derry est terminée. Enfin, la saison 1. La saison 1. Parce qu'a priori, il va y en avoir d'autres. Oui, ça a été renouvelé pour une saison 2, c'est sûr. Après, à voir si ça dure encore plus longtemps. Mais si j'ai bien compris, ça va adopter un format qui s'approchera d'un format anthologique, puisqu'à chaque fois, ça s'intéresserait à un éveil différent de Gripsou. Ah, alors si c'est ça, ça veut dire qu'on pourrait commencer à parler direct de la saison 1. Faudra revérifier, mais je crois que ça sera ça. Et effectivement, dans ce cas-là, on pourra très vite les mettre. D'accord, je me renseignerai après l'enregistrement de cet épisode. Ouais. Sinon, on sait que la série Carrie est en tournage, je crois. Oh la non. Série Carrie, donc supervisée par Flanagan, hein, on y revient. Oh non. Et tu vois, toi aussi, t'as des a priori. Et sinon, bah, y a pas énormément d'autres nouvelles. Il y en a une sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard en présentant le recueil Si ça saigne. Mais sinon, il n'y a pas énormément d'autres nouvelles concernant King pour le moment. Ok. Donc, bah, je propose qu'on se lance assez rapidement dans le téléphone de Monsieur Harrigan. Nous allons spoiler la nouvelle et son adaptation, qui sont pas mal proches l'une de l'autre. Oui. C'est parti. Allons-y. Le téléphone de Monsieur Harrigan nous raconte l'histoire de Craig qui, enfant, travaille pour un vieillard millionnaire anciennement dans les affaires et qui s'est installé là pour sa retraite, Monsieur Harrigan. Son travail, c'est principalement de lui lire des livres parce que la vue de Monsieur Harrigan baisse. Un jour, comme Monsieur Harrigan lui offre à chaque fête des tickets de loterie, Craig gagne beaucoup d'argent et pour remercier Monsieur Harrigan, il lui achète un iPhone du premier modèle. Et Monsieur Harrigan, au départ réticent, va vite devenir accro au téléphone. Et quand il meurt, Craig enterre Monsieur Harrigan avec son téléphone. Sauf que plus tard, quand il essaie de l'appeler, il se rend compte que peut-être les appels arrivent bien à leur destinataire. King, après avoir averti dans la postface de Si ça saigne que la plupart du temps, quand on lui demande d'où lui vient une idée, il l'invente parce qu'il il sait pas précisément, il dit à propos de celle-ci qu'elle serait due à 2 choses. La première, ce serait ses souvenirs de films et d'épisodes de séries façon Alfred Hitchcock présente sur des personnes enterrées vivantes, ce qui est cohérent parce que c'est déjà quelque chose qu'il mentionnait à l'époque de Chambre d'autopsie 4. qu'on a abordé dans un précédent podcast. Et aussi, il mentionne une fois où, suite à la mort d'un ami, il l'avait appelé et il était tombé sur son répondeur. En fait, son but, c'était d'entendre une dernière fois sa voix, sauf que il s'était rendu compte que c'était plus terrifiant qu'autre chose, en fait, de tomber sur la voix de quelqu'un de mort comme ça. Ok. Et donc, il a voulu exploiter ça dans son récit. En interview, il raconte aussi que l'épisode où Yanko demande à Craig de nettoyer ses chaussures, c'est un épisode autobiographique, ça serait réellement arrivé à King quand il était enfant et qu'il est arrivé dans un nouvel établissement. Il avait aussi refusé de le faire, se retrouvant à se battre, et il commente le résultat dans la conique « J'ai perdu ». D'accord. La nouvelle fait partie du recueil « Si ça saigne », qui est un de ces recueils contenant en fait quatre novellas, quatre histoires semi-longues. Dans celui-ci, il y a aussi la vie de Chuck et Rat, et une nouvelle avec Holly, qui est la nouvelle éponyme, Si ça saigne, qui est la plus longue du recueil. Donc Holly, l'un des personnages de la trilogie Mercedes. Voilà, c'est ça. Alors, dans mon souvenir, Si ça saigne, ça se passe... Oui, ça se passe après l'Outsider, elle avait déjà fait une réapparition en solo avant. On peut mentionner donc que la vie de Chuck a été adaptée par Mike Flanagan cette année, et Rat, c'était censé être Ben Stiller qui devait réaliser le film, et on n'avait pas de nouvelles, et on a eu des nouvelles cette année, avec visiblement un projet qui est... Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est relancé, ou est-ce que c'est que ça a changé de main entre-temps. Et finalement, c'est le réalisateur Isaac Hesban, que je ne connais pas, qui devrait adapter Rat, la nouvelle date de septembre de cette année, donc c'est relativement récent. Mais voilà tout ce que j'ai à dire sur la nouvelle, parce que comme d'hab, les critiques vont aborder l'ensemble du recueil, et en fait, là, elles insistent plutôt soit sur Si ça saigne, vu que c'est Holly, soit sur La vie de Chuck, qui est souvent considérée comme la nouvelle la plus originale du recueil. Mm-hmm. Mais du coup, on va pouvoir passer, nous, à nos avis. Je t'écoute. Eh ben, c'était rapide. Bon, comme d'hab. Oui. C'est une nouvelle qui me laisse vraiment le cul entre deux chaises. Le téléphone de Monsieur Harrigan. C'est-à-dire, je trouve toute la première partie, donc le passage avec Craig qui va chez Harrigan, les lectures, le développement des personnages, lui qui commence à tomber accro au téléphone, la relation avec son père, tout ça. Je trouve ça passionnant, vraiment, super bien écrit, un super développement de personnages, tout s'imbrique bien et tout... Puis, vers le milieu de la nouvelle, Monsieur Harrigan meurt. C'est là que le fantastique entre en scène. Et on a des histoires de lycée, un petit peu, et je trouve ça beaucoup moins bien, beaucoup moins passionnant. J'ai du mal à être embarqué dans cette seconde partie. Et je trouve que cette idée de flirter avec le fantastique sans jamais le confirmer, c'est très bien, mais malheureusement, King le confirme. Plutôt sur la fin, où il y a du fantastique, où ce qui se passe semble vraiment réel, et je trouve que c'est une erreur et qu'il aurait pas dû faire ça. Je pense qu'il aurait dû totalement rester dans ce questionnement sur est-ce que tout ce qui se passe est du hasard, ou est-ce que le fantastique est vraiment là, est-ce que c'est vraiment l'esprit de Harrigan qui agirait d'outre-tombe. Je pense que King aurait dû rester dans un côté un peu nébuleux, on ne sait pas quoi, plutôt que d'aller... plus vers la confirmation. Voilà pour un premier avis. Ouais, moi c'est une nouvelle que j'aime assez sans l'adorer. Je serais en fait plus égal que toi, c'est-à-dire je trouve le début bien mais pas non plus passionnant. Je trouve qu'il est bien mené, c'est intéressant, c'est un peu touchant. La relation à Monsieur Harrigan surtout est bien écrite. Mm-hmm. Et après, je trouve qu'en effet, il y a des trucs moins bien gérés dans la deuxième partie, mais sans que ça retombe non plus dramatiquement. Je trouve qu'il reste des belles scènes. La confirmation du fantastique, je vois ce que tu veux dire dans le fait que tu aurais préféré que ça reste moins certain. Après, ça me gêne pas non plus démesurément, dans la mesure où il y a quand même un aspect très métaphorique à ce fantastique et qu'il reste très, très à la frontière de la nouvelle, donc ça me gêne pas trop. Ce que je reprocherais à la deuxième partie, c'est peut-être qu'elle est trop rapide, notamment tout ce qui concerne la dernière section, la dernière personne qui va mourir. Je trouve que c'est trop rapide et du coup, la résolution arrive trop brutalement pour moi. Moi, à la conclusion, j'ai vraiment eu cet état de tout ça pour ça, quoi. Ouais. Alors qu'elle n'est pas inintéressante comme conclusion. Ce à quoi ça amène, c'est pas inintéressant en soi, mais oui, c'est amené trop brutalement. Pareil, hein, le petit discours sur le fait qu'on soit un peu trop dépendant aujourd'hui de cette technologie qu'est le téléphone, bon, je peux l'entendre, mais je peux pas m'empêcher de voir un peu un discours un peu vieux con, quoi, par moment. Oui. Oui, même s'il va quand même pas mal souligner aussi les aspects utiles du téléphone. Oui. Et que je pense que la fin à ce niveau-là tempère un peu ça, puisque King dit de son personnage, comme il dirait de lui-même, je pense que finalement, cette dépendance, tout le monde l'a et on s'en remet pas. Donc, je pense qu'il y a quand même une modération de ça, c'est plus une incitation à réfléchir sur notre usage des technologies, peut-être, qu'un discours vieux con à proprement parler. Le discours vieux con est plus, plus accentué dans le film, pour le coup. Oui, peut-être un peu plus dans le film, ouais. Mais voilà, c'est une plutôt sympathique nouvelle, sans qu'elle soit vraiment extraordinaire. Oui, voilà. Sur toute la première partie, je me disais, bah dis donc, ça a changé, un élève modèle, là, il arrive quand, le nazi? C'est vrai que ça fait penser à un élève doué, ouais. Oui, un élève doué, pardon. Ouais, c'est un multimillionnaire homme d'affaires, hein, c'est quasiment pareil qu'un nazi, en réalité. Hein. C'est pas faux, ouais. Je crois qu'à un moment, je sais plus si c'est dans la nouvelle, mais je crois que c'est dans la nouvelle aussi, il dit du mal des socialistes. Oui, dans la nouvelle et dans le film. Ouais. Ouais, voilà, hein, on voit ses préférences politiques à Reagan. Hein. Oui, voilà, après c'est un homme d'affaires multimilliardaire, bon, le mec suit la bourse à donf, il serait né dans nos années à nous, ça serait très certainement un crypto-bro, voilà quoi. Ah oui, clairement, oui. Mais voilà, sa relation qu'il entretient avec Craig, je la trouve plutôt bien développée et même tout ce qui tourne autour de lui, en fait, j'aime bien le fait qu'on pense qu'en fait c'est juste un vieillard acariâtre dans son coin, ce qu'il est, mais que finalement l'entièreté de la ville l'apprécie bien, quoi. Oui, c'est un peu compliqué en fait, parce que l'entièreté de la ville l'apprécie bien et en a peur en même temps un peu. Ouais, oui. Il y a personne l'aime vraiment, c'est dit que personne l'aime vraiment, mais qu'il n'est pas non plus détesté, quoi. Il a un statut un peu bizarre. Hein. Mais bah, après, il y a plein de trucs qu'on peut supposer aussi par rapport à lui, ne serait-ce que la raison pour laquelle il demande à Craig de faire les lectures à sa place. Il lui dit que c'est parce que ses yeux se fatiguent vite et tout. Mais à côté de ça, on sait qu'il lit les journaux et tout, donc on peut se demander si c'est pas juste un moyen pour lui d'avoir un peu de compagnie quelques heures par semaine. Oui, ou quelque chose d'autre, comme son père s'en inquiète au tout début. Oui, ça, de manière légitime, son père s'inquiète du fait que ça puisse être quelque chose de beaucoup moins sain, mais là, non, pas du tout, pour le coup. Voilà, pas du tout. C'est une relation beaucoup plus saine que dans un élève doué, justement. Ah oui, clairement. J'aime bien la relation également autour de la prof, oui. que Craig développe. Ça fait partie des réussites de la période entre guillemets, hein, qui se consacre au lycée. Je trouve vraiment ça bien maîtrisé et la prof est très bien écrite. Ces figures de prof qui servent un peu de modèle, qu'on retient plus que les autres, parce qu'ils font un peu du meilleur boulot, c'est plutôt joliment écrit en effet. Donc, bah dans la période enfant, en fait, Craig commence à bosser pour Harrigan quelques heures par semaine. C'est précisé que Harrigan, tout le monde sait qu'il est extrêmement riche, mais qu'il vit avec pas grand-chose et que du coup, tout le monde le considère aussi un peu comme un radin, finalement. Oui, bah c'est un cadeau, c'est les tickets de loterie, voilà, c'est pas grand-chose. C'est un pixou, quoi. Oui, c'est ça. C'est typiquement un pixou. Comme tu dis, c'est cadeau, c'est des tickets de loterie à 1$. Il a toujours le même costume usé, quoi qu'il arrive, bon, voilà. C'est vraiment la caricature Balthazar Picsou, quoi. Ouais, il a une vieille voiture pas terrible. Et chez lui, il a rien, il a pas la télé, mais ça, c'est plus parce qu'il veut se passer d'une potentielle dépendance qu'il aurait envers elle. Pas de télé, pas de radio, sauf dans la voiture. Ouais, en fait, il a une certaine conscience que quand on acquiert une technologie, elle est tellement pratique qu'on en devient vite trop dépendant, et donc il décide de se protéger totalement contre ça. Ouais, c'est une des phrases qu'il a même dans le roman, où il dit en fait, ce n'est pas nous qui avons des objets, ce sont les objets qui nous ont nous. Ouais. Et je suis pas totalement d'accord, mais je comprends totalement le fond de la pensée, par contre. Oui, je comprends l'idée, ouais. Après, de toute façon, Harrigan, on n'est pas censé prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Hein. C'est montrer que ses opinions ne sont pas toutes bonnes, et notamment bah, justement autour de l'esprit de compétition et de l'extrême méfiance envers tous les gens qui l'entourent qu'il a. Harrigan s'est précisé que c'est pas quelqu'un de gentil. C'est, il entretient une relation particulière avec Craig, mais c'est quelqu'un qui a fait des sacrées saloperies dans le cadre de son métier et qui a une manière de penser pas ouf. Oui, en tant qu'homme d'affaires, ouais. Ouais. Donc il n'est pas considéré comme un vieux sage dont on devrait tout écouter. J'adore la manière dont le père de Craig, justement, le traite très souvent de radin. Oui. Il te paye pas, il t'offre des tickets de loterie à 1$, vraiment. Ouais, il le paye 5$ de l'heure, effectivement, c'est pas énorme. Mais ouais, il le dit quand même avec un peu de sympathie. Oui. Le père, hein, j'entends. Oui, oui, ils se respectent l'un l'autre, effectivement. Donc oui, sur toute la première partie de la nouvelle, il y a un beau développement de la relation entre Craig et Monsieur Harrigan qui se fait autour des lectures et qui va se faire aussi autour de l'achat de l'iPhone, justement, quand Craig cherche quelque chose qui puisse faire plaisir à Harrigan. Ouais. Et donc, ce qu'il va trouver, c'est cet iPhone, et il va réussir à le convaincre de le garder en lui montrant notamment le cours de la bourse. En temps réel. Ouais. Chose que son journal auquel il est abonné ne le fait pas, parce qu'il y a un jour de décalage. Ouais. Et là, vraiment, c'est découverte, quoi. Harrigan au paradis. Toute cette discussion est cool, je trouve. Pour, oui, elle est bien menée et tout. Le téléphone, ouais. Où ces deux générations qui se confrontent et qui ont chacune leur raison de dire ce qu'elles racontent, c'est plutôt bien mené. C'est bien mené. Quelques temps après, la réflexion de Harrigan en mode par contre, il y a un problème, c'est que c'est gratuit et que du coup, ça sous-entend quelque chose qui va arriver plus tard et que voilà. En fait, il est annonciateur des paywalls et de tout ça. Oui, c'est ça, effectivement. Il anticipe plutôt bien le fait qu'il y a eu une époque d'Internet où tout paraissait une sorte de paradis où presque ça pourrait se libérer du capitalisme. Et en fait, non, bien sûr que non. C'est très vite payant. Le capitalisme s'est dit « Oula, qu'est-ce qui se passe là ? Attendez, j'arrive !» Je pense que M. Harrigan, en réalité, a raison. C'est que c'était là, dès le début. Le plan, dès le début, c'était de créer une dépendance à ça pour ensuite faire payer plus facilement les gens. Je pense en effet qu'à la réflexion, c'était ça, dès le début, le projet des gros médias et compagnie qui se sont lancés sur Internet. Oui. La manière dont il le dit, ça fait très complotiste. Mais oui, je pense qu'il y a quand même un fond de vérité. Oui, je pense pas que ce soit tellement un complot, c'est juste une stratégie commerciale, tu vois, finalement. C'est une saloperie, mais c'est comme toutes les stratégies commerciales, au final. Oui, c'est de la saloperie, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça. La mort de Monsieur Harrigan, parce que finalement, on y arrive vite, hein, c'est pas non plus une histoire interminable. La moitié de la nouvelle, quasiment. Ouais, c'est ça, grosso modo. Elle est plutôt touchante, parce que c'est Craig qui le trouve. Il voyait que M. Harrigan baissait de plus en plus, qu'il était de moins en moins en forme. La bouteille d'oxygène qui apparaît. Il commençait à avoir beaucoup besoin de ça, mais il est tout de même surpris quand vraiment la mort arrive. Et puis il le trouve de manière normale, quoi. Il se rend chez lui pour la lecture, c'est un jour où les autres employés ne sont pas là, donc il n'y a que lui qui peut le découvrir à ce moment-là. Et voilà, c'est une mort très classique finalement, parce qu'il le trouve à son bureau, tout simplement, il l'appelle, ça ne réagit pas, et puis il s'en rend compte au moment où il voit, je crois, le bras tomber, tout simplement, de manière lourde. Et puis voilà, il lui fait le test avec un petit miroir pour voir si il y a une respiration. Il constate que non, et puis voilà. Ouais. Il est mort très sobre, finalement. Oui, c'est ça, il est mort vraiment de vieillesse, de manière normale. Mais ça le confronte directement à ça, parce que c'est la première fois qu'il voit un mort vraiment en face. Oui, personnage qui surtout avait toujours fui la mort, parce que la mort de sa mère... oui, elle est morte, mais il se rendait pas trop au cimetière, ce genre de choses, quoi, tu vois. Il s'éloignait, en fait, de tout ça, parce que pour lui, c'était une manière de lui dire définitivement au revoir. Oui. Mais donc, voilà, il y a l'enterrement de Monsieur Harrigan, qui est le moment où... Alors, en fait, quand il trouve le cadavre, sans trop savoir pourquoi, Craig prend son téléphone... Et en fait, au moment de l'enterrement, au moment où on peut faire un dernier au revoir aux morts, en passant au-dessus du cercueil ouvert, il va lui mettre le téléphone dans la poche en se disant bah, ça a été quelque chose sur lequel il a beaucoup compté dans les derniers moments de sa vie. Ouais. Et donc, je vais l'enterrer avec, comme une sorte de symbole, quoi, pour maintenir un lien, finalement, avec lui. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt joli, je trouve. Oui, c'est plutôt... l'idée est touchante. Mais ensuite, comment est-ce que ça va commencer à tout de suite nous faire nous dire qu'il y a peut-être un truc un peu particulier? Bah, c'est qu'un jour, Craig va vouloir appeler Harrigan. La première fois, je crois qu'il raccroche, qu'il n'ose pas aller jusqu'à laisser un message sur le répondeur, mais il le rappelle directement. Il entend la voix, il laisse un message sur le répondeur, et quelques temps après, bah, il reçoit un message énigmatique, CCA, je crois, tout simplement. Je ne sais plus exactement ouais, le teneur du message. C'est quelque chose comme ça, mais... je crois qu'il y a, c'est CC, il y a 3 C, il y a CCCAA, je crois. Ouais, voilà. Et bah lui, il est un peu pris de panique. Il pense que Harrigan est vivant, enfin qu'il a été enterré vivant, donc il panique, il va voir son père. Son père lui rassure en disant bah non, c'est pas possible. Quand tu meurs tout seul chez toi, t'as une autopsie, donc enfin tellement il a été ouvert, donc bah il est bien mort, quoi. C'est comme ça qu'il le rassure. Mais effectivement, ce premier message qui arrive, bah, c'est l'arrivée du fantastique dans le récit. Oui, c'est ça. Là, à la limite, on peut encore se dire que c'est un bug de la machine, parce qu'effectivement, l'autopsie, on s'en doute, tout le monde a vu le cadavre, l'enterrement s'est probablement pas fait le lendemain, donc on se doute qu'il est mort, mais on peut croire à l'explication du père comme quoi c'est une blague ou quelque chose du genre, encore à ce stade. Ouais, c'est plus ça. Tard que ce sera moins net. Donc ensuite, bah, du temps va commencer à passer. Craig va arriver dans un nouvel établissement scolaire parce qu'il est vraiment dans une toute petite ville, donc il n'y avait quasiment personne dans ses classes, et il arrive dans un plus grand établissement où il va découvrir ce que c'est qu'un bully, parce qu'il va être victime de ça. Ouais. De Yanko, c'est ça? Oui, Kenny Yanko. Kenny Yankovic, ouais. Qui, bah, la situation va s'envenimer petit à petit, parce qu'il va une première fois agresser Craig, mais Craig va s'en sortir en bonne partie grâce à la prof dont on parlait tout à l'heure. Oui, qui passe par là, qui assiste à la scène et qui donc bah, s'interroge sur qu'est-ce qui se passe. Mais même s'il ne dit rien, Yanko va quand même être viré pour d'autres raisons. Oui. Et il va garder une animosité envers Craig à cause de ça. Mm. C'est le personnage de bully classique. Yanko. Oh oui, bah. En même temps, la nouvelle est relativement courte et c'est un personnage secondaire, donc il n'y a pas non plus le temps de démesurément le développer. Non, clairement pas. Mais donc, tout ça va se résoudre au moment du bal de fin d'année où Craig se rend et où, à un moment, alors qu'il sort, il va être pris à partie par Yanko, qui va lui cogner dessus de manière plutôt brutale. Oui, il va y avoir un affrontement. Craig va quand même réussir à lui foutre son poing en travers de la gueule. Ouais, il en est très fier. Oui. Et c'est là qu'il y a la belle scène avec la prof. J'imagine que c'est à celle-là que tu songeais. Oui. Où les deux discutent. Elle le rassure. Elle essaye de savoir qui l'a attaqué. Lui lui dit que bah oui, ça pourrait être lui, mais si c'était lui, bah du coup ça amènerait. Il lui sous-entend que si c'était lui. Enfin, que s'il lui dit, ça va amener d'autres problèmes. Oui, ça va amener des procès et tout et tout. Voilà, il lui fait comprendre qu'elle a raison, mais que bah, il faut garder ça entre eux, quoi. Ouais. Je trouve ça bien amené, bien écrit. Et oui, la prof est très attachante sur ce moment-là. Et il y a le petit côté élève un peu amoureux de sa prof, mais en mode un peu fantasmé, quoi, tu vois. Oui, et je trouve que mignon, oui. Je trouve que c'est vraiment bien écrit, quoi. Mm. Oui, c'est pas Emmanuel Macron... Non. Mais bah, il l'a quand même plutôt mauvaise, et donc en rentrant chez lui, Craig va, histoire de se confier à quelqu'un, mais comme il peut en parler à personne directement, il va laisser un message sur le téléphone de Harrigan, en ouais. S'étonnant quand même que le téléphone marche encore, parce qu'il se dit normalement la batterie devrait plus fonctionner. Oui, après autant de temps. Et il lui dit, bah voilà, j'ai été frappé par quelqu'un parce que j'ai pas voulu faire ce qu'il me demandait, j'ai voulu résister, et du coup il m'a frappé. Il demande rien de plus, pour le coup. Mm. Mais très peu de temps après, dès le lendemain en fait, il apprend que Yanko est décédé. Oui. Alors au début, on ne sait pas de quelle cause, hein, les rumeurs circulent dans l'établissement scolaire. Certains disent que c'est l'alcool, d'autres la drogue, d'autres... voilà, il y a plein de versions. Et quelques temps après, il apprendra qu'en fait, c'est un accident tout con, hein, c'est un accident d'asphyxie masturbatoire. Ouais. Mais tout le moment où il le sait pas, bah, il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, y a c'est le prêtre qui lui parle d'un suicide, hein. Le prêtre, il lui parle pas de l'asphyxie masturbatoire, je crois. Mais oui, effectivement, on se demande à un moment ce qui s'est passé, et lui, il voit quand même la coïncidence du fait qu'il avait appelé Monsieur Harrigan juste avant. Oui. À noter que du coup, ça veut dire que Yanko est mort de la même manière que David Carradine. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme quoi, même les plus grands, ça peut leur arriver. David Carradine, dont on avait parlé à l'occasion de notre épisode sur les démons du maïs 5, je crois. Ouais, c'est le 5. Celui avec la secte. Oui. Mais bah, même en sachant ça, il continue à être un peu étonné de la coïncidence. Et il y a beau y avoir des gens qui le rassurent. Alors, il y a deux personnes à qui il va parler, mais qui ne vont pas pouvoir non plus trop lui en dire, parce qu'il ne peut pas tout dire. C'est d'abord la prof, où elle lui dit bah, à ton âge, c'est normal, on a l'impression que le monde entier tourne autour de vous. Oui. Tourne autour de soi, alors que non, il avait plein d'autres problèmes. Yanko. Il est mort, mais c'est pas parce qu'il s'en voulait d'avoir tabassé un gamin de 12 ans. Oui, voilà. Et le prêtre, enfin le pasteur plutôt, va finir de le rassurer, mais c'est déjà là, il suspecte que peut-être il s'est passé quelque chose avec Harrigan, même si on peut croire à un hasard, en effet. Oui, à ce moment-là, on peut encore croire au hasard. Ses études continuent, il quitte sa ville et l'État pour aller plus loin, pour faire des études de journalisme. Ouais. On l'a pas précisé, mais il a touché un énorme héritage. Ah oui, effectivement, s'il peut faire tout ça, c'est parce qu'il a touché un gros héritage de Harrigan, je crois que c'est 800 000 dollars. Ouais. Et Harrigan qui lui conseille de faire confiance à son exécuteur testamentaire et notaire pour placer l'argent. Oui, parce que pour l'instant, il n'a pas le droit d'y toucher jusqu'à son entrée en haute étude. Ouais, jusqu'à sa majorité, j'imagine que c'est ça. Ouais, je pense. Ouais. Donc au début, c'est juste le conseiller financier, quoi, on va dire, de M. Harrigan qui gère ça avec le père de Craig. Bon, c'est même surtout... Enfin, le père de Craig fait des suggestions, mais c'est le conseiller financier qui, a priori, place tout dans Amazon et Apple. Donc, oui. Effectivement, des trucs qui ont bien pris dans cette période-là. Je crois qu'à un moment, c'est... C'est indiqué que le conseiller, pour faire plaisir au père, fait un micro-placement dans un truc que le père avait suggéré. Ouais, oui, c'est précisé pour pas vexer sa fierté, j'imagine. Voilà. Mais donc, le temps passe, et puis, ben, un jour, alors que ses études se passent bien, Craig reçoit un appel de son père qui lui dit qu'il a une mauvaise nouvelle. Et ben, la mauvaise nouvelle, c'est que la prof est décédée. Elle a été victime d'un accident de voiture. Elle revenait avec son mari d'un voyage et un conducteur ivre les a percutés. Ouais. Avec son mari, il faisait le tour d'un état en moto. Et voilà, sur le retour, un chauffard, les a percutés. Donc ça marque énormément Craig qui le vit très mal. Mmh. Oui, parce qu'en plus c'est pour les funérailles. Parce qu'en plus c'est pas uniquement un simple accident, c'est vraiment un accident mais totalement injustice, puisque c'est un mec récidiviste qui a été habitué à ça et qui s'en est toujours sorti. Oui, c'est ça. Ouais, il y a une bonne insistance là-dessus. Et bah, il revient pour les funérailles et il va constater quelques mois plus tard que le gars. À une peine que lui juge beaucoup trop légère. Ouais. Là, je trouve ça pas mal amené, parce que comme du coup, derrière, la vengeance sera injustifiée et qu'il s'en voudra, il y a pas un propos non plus... Y a pas un propos qui me paraît être en faveur de l'auto-justice. C'est montré comme étant aussi négatif, même si King illustre bien qu'à ses yeux, la peine est trop légère, que le gars s'en est sorti plus ou moins en tirant des ficelles au final. Oui, mais comme tu dis, ça n'appuie pas sur le fait que il faut faire régner la loi du talion, quoi. Non, c'est pas ça, ouais, voilà, pas ça c'est le message. Ça. On est d'accord. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette situation-là, mais que c'est pas une raison pour se faire justice soi-même et pour céder à ses haines perso. Ses pulsions, ouais. Mais bon, c'est quand même ce que Craig va faire. Oui, là, c'est ce que Craig va faire. Cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Ouais, il va passer un petit appel à Riyad, déjà, et ouais. En constatant encore une fois que étrangement le téléphone répond. Là, il doit remettre en charge son ancien iPhone, voilà. Parce que la communication ne marche pas avec son nouveau. C'est ce que j'allais dire, c'est carrément il doit retourner chez lui, donc chez son père, pour récupérer, parce que c'est là qu'il avait planqué l'ancien téléphone, pour le recharger, pour passer le coup de fil. Et là, bah, concrètement, il explique la situation, que c'était une prof qu'il aimait beaucoup, et que là, oui, il aimerait que l'autre meure, quoi. Il a littéralement ces mots. Oui. Et puis, bah, quelques temps après, il meurt. Ouais, de manière très bizarre. Hein. J'ai encore du mal à réaliser comment des gens peuvent se suicider comme ça, quoi. Bah, je pense en étant poussé par un esprit vengeur. Hein. Sinon, oui, par quelqu'un. C'est pas une technique que tu utilises de toi-même. Bah voilà. Vas-y, raconte-nous comment il fait. Bah, il avale du savon. C'est-à-dire, il avale d'abord du shampoing pour lubrifier, et après, il avale une moitié de savon pour s'étouffer. Voilà, c'est super. Après, quand t'es dans un institut psychiatrique où on t'a enlevé normalement tous les trucs qui devraient te permettre de te suicider, parce que normalement, il y a un minimum un contrôle autour de ça, bah, tu fais avec ce que t'as, tu fais avec du matériel maison, quoi. C'est un peu le côté... C'est le suicide à la MacGyver. Hein. C'est... À la vache. Mais effectivement, ça paraît très improbable. Oui. Après, au moins, tu meurs en étant bien propre. C'est pas mal. Tu es lavé de tout soupçon, du coup, comme ça. Oh, joli. Mais bah, cette fois-ci, Craig ne peut plus vraiment s'illusionner sur le fait que, bah, oui, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de pas du tout normal. C'est pas une mort qui aurait dû arriver, et c'est mon coup de fil qui a fait ça. Il va mener l'enquête, hein, du coup. Il va mener une petite enquête. En se rendant à l'institut pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment ça s'est déroulé et tout. Ouais. Et il va apprendre, il va recevoir un nouveau et dernier message, il se trouve, de Monsieur Harrigan, un SMS, qui est CCCST. Ouais. Ce qu'il va interpréter comme Craig, Craig, Craig, stop. Ouais. Ouais. Il faut beaucoup d'imagination quand même. Oui. Bah, là, encore une fois, pourquoi pas, ça montre que peut-être il imagine une partie de ce que communique Harrigan. On ne sait pas si c'est vraiment ce que le fantôme de Harrigan, parce que là, on est certain qu'il existe, lui dit, ou si c'est lui qui l'imagine. Oui. Donc, pourquoi pas. Mais tu as la confirmation ultime, parce que l'autre là, qui s'est suicidé, il a laissé une note. Oui, effectivement, ouais. Et la note, c'est un passage en fait d'une chanson que Harrigan aimait beaucoup et qu'il avait mis en sonnerie de téléphone pour quand Craig l'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Stand By Your Man. Voilà, une chanson country et plutôt sympathique d'ailleurs. Je l'ai écouté du coup après. Oui, moi j'ai un peu de mal avec la country, donc j'ai pas trop adhéré, mais oui, elle est pas si mal. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre quand même si ça va très vite à ce stade, pour moi ça va trop vite à ce stade, la nouvelle, ça montre quand même que ça apporte aucun soulagement, la mort du gars à Craig. Oui. Ça le soulage pas d'avoir eu cette vengeance. Ah, est-ce que ça ne résout ça rien. Ça marche pas, en fait, ça résout rien. Sa prof est toujours morte, ça n'a rien arrangé. Voilà, c'est ça. Mais comme tu dis, ça va très très vite, parce que là, à partir du moment où il a la confirmation avec la note, il doit rester 3-4 pages, quoi. Oui. Oui, après, il trouve tout de suite le SMS de Harrigan. Il s'interroge sur est-ce qu'il doit arrêter parce que ça fait du mal à l'esprit de M. Harrigan ou est-ce que c'est parce qu'il se fait du mal à lui-même. Ouais. Et dans les deux cas, sa conclusion, c'est la même. Bah, c'est il faut que j'arrête et que je me débarrasse de ce téléphone qui me permet de communiquer avec lui. Mm. Et donc, il va jeter le téléphone dans un lac. Ouais, dans une espèce de rivière, effectivement, vers chez lui. Avec l'hésitation de jeter aussi le nouveau son téléphone à lui, mais finalement il se rétracte en disant bon, oui effectivement c'est quand même un outil auquel on peut devenir plutôt dépendant de manière négative, mais bon c'est quand même utile quoi. Voilà. Ce en quoi il a plutôt raison. Oui, je suis d'accord. Effectivement c'est une histoire d'utilisation, mais se débarrasser totalement de la technologie et juste revenir entièrement en arrière, c'est pas non plus une technique. Voilà, c'est en fait il est là le discours de vieux con. Ouais, voilà. C'est vraiment dire la technologie, c'est de la merde. Préférez lire les journaux, quoi. Préférez lire Le Parisien, putain. Bah non. Surtout pas Le Parisien. Le problème n'est pas la technologie, le problème est ce qu'on en fait. Oui. Sauf l'IA. L'IA, c'est de la merde, universellement. Oui, l'IA générative, oui. Bien entendu. Ouais. Ça, oui. Ça, on est d'accord. Ce qui est en trop, c'est la citation que l'autre laisse à côté de lui. Oui. C'est ça, en fait, qui confirme vraiment. Oui, c'est vrai que rien qu'en enlevant ça, oui, ça aurait pu être mieux. Surtout que c'est un effet choc pas bien utile. Bah voilà, c'est ça. Il n'y aurait pas eu cette citation-là, je l'aurais mieux vécu cette fin, quoi. Parce qu'on serait resté quand même sur le doute. Bon, ouais. Le doute qui penche quand même vers l'esprit qui existe, mais le doute quand même. Alors que là, il n'y a plus de doute. Oui. Dans tous les cas, je trouve que ça aurait été une fin trop rapide. Hein. Vraiment, moi, je trouve qu'il manque quelques pages pour la développer bien comme il faut. Mais bon. Ouais, d'accord. Mais voilà, sur la nouvelle, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, de mon côté, tout est dit, tout est clair, tout est concis. Très bien, nous allons donc pouvoir passer au film. Tu n'es plus du tout la même personne que lorsque nous nous sommes rencontrés. Pourquoi viens-tu encore me voir ? Parce que ça me fait plaisir de vous voir. Les iPhones viennent à peine de sortir. Merci. Il vous faudrait un pseudo. Pirate King, c'est cool. Monsieur Harrigan, ça vous est arrivé que quelqu'un essaie de profiter de vous et comment vous réagissiez ? Sévèrement. Salut, papa. Salut, mon grand. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je vous rappellerai si cela me semble nécessaire. Monsieur Harrigan, j'aurais voulu que vous soyez encore là. Je me suis fait tabasser ce soir. Et ce Dean n'a pas eu ce qu'il méritait. Les droits de la nouvelle Le téléphone de Monsieur Harrigan sont acquis en 2020, en juillet 2020, par Netflix, qui confie ensuite la production à Blumhouse, en partie, oui. Et aussi à la productrice Carla Acken, qui est productrice, par exemple, du film Comancheria, et à Ryan Murphy, donc le gars qui est derrière les American Horror Story, American Crime Story aussi, Scream Queens, oui. Et en producteur, il est aussi sur American Sports et bientôt American Love Story. Il est aussi sur la série Monster, là, actuellement, là, pour Netflix. C'est, ouais. Avec laquelle on a eu la première saison sur Jeffrey Dahmer, ensuite sur les frères Menendez, et là, c'est sur Ed Gein, la troisième. Ouais, c'est le genre de programme qui me repousse un peu dans l'idée, moi. Ouais, parce que ça a très souvent tendance un peu à mettre sur un piédestal ces criminels, quoi. Bah ouais, ça les sublime toujours un peu, en fait, en parlant comme ça. Voilà, ouais. C'est ça. Et Ryan Murphy, c'est aussi le réalisateur de Manche Prix M, dans un tout autre style. Ok. J'ai souvenir que c'est complètement nul comme film, mais bon. Après, Ryan Murphy, par contre, t'as pas fait que des trucs horrifiques, hein. Il a fait un petit peu de tout, c'est notamment, je crois que c'est notamment lui, la série Nicked Up, c'est ça qui l'a propulsé un peu. Ah oui, effectivement, je crois que c'est lui, ouais. On suit deux chirurgiens esthétiques, alors c'était un peu trash, mais c'était pas horrifique, quoi. Oui, c'était, bon, après, c'est une série hospitalière, comme il y en a eu plein, mais oui. Ah mais là vu que ça se concentre un peu tu sais sur le Los Angeles, les stars, oui. Tout ça voilà, exactement. C'est un petit peu ça se veut un petit peu putassier volontaire quoi. Et Glee c'est lui aussi comme série que je ne connais oui, pas. Oui, alors que et pour le coup ça n'a rien à voir. Ouais. Glee. Parce que là on est plutôt sur de la comédie musicale. Mais c'est vrai que ces dernières années, il est quand même plutôt sur de l'horrifique depuis qu'il a commencé American Horror Story au final. J'ai l'impression qu'il est un peu dans un genre maintenant. Oui, voilà, peut-être parce que c'est un genre qu'il apprécie et que maintenant qu'il a une renommée et qu'on le laisse un peu plus libre, bon voilà, il se lâche, quoi, il fait ce qu'il veut. Oui. Et si c'est après, le cas, tant mieux pour lui. Il fait peut-être d'autres choses à côté que je ne connais pas, hein, j'en sais rien. Pour le coup, Scream Queen, c'était pas mal. J'avais vu la première saison, c'était plutôt sympathique. D'accord. Voilà, on suivait une bande de nanas dans une sororité. Ils se font buter les unes après les autres avec, il me semble que la chef de l'établissement, c'était Jamie Lee Curtis, qui vraiment était à fond dans son rôle, quoi. C'était plutôt sympathique, ouais. De ce que j'en avais vu, en tout cas. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'imaginer la gueule de Jason Blum Quand on lui a vendu le pitch, on lui a dit « Attends, est-ce que tu veux produire un film avec un téléphone qui envoie des messages d'outre-tombe et c'est écrit par Stephen King ?» Il a dû dire « Bah ouais, vas-y, gros film d'horreur, vas-y, on y va !» Alors que pas du tout. Oui, effectivement. Bah, j'ai pas l'impression que ce soit un truc très mis en avant dans les productions Bloom, hein, d'ailleurs. Bah non, clairement pas. Parce qu'effectivement, c'est un peu différent de ce qu'il a tendance à faire d'habitude. Je pense qu'il a dû totalement se faire rouler dans la farine, quoi, le pauvre. Bon, après, il n'a peut-être pas été très impliqué. Hein. C'est peut-être les autres qui se sont le plus impliqués dans ce film-là. Hein. Ouais, peut-être notamment Netflix. Vu que Netflix boxe depuis pas mal d'années maintenant avec Ryan Murphy. Ouais. C'est à la même époque hein, que sont annoncées les adaptations de La Vie de Chuck et de Ra. Donc, c'est quand le recueil va sortir ou vient tout juste de sortir. Ouais, les gars, ils n'ont pas perdu de temps, quoi. Ouais. King lui-même est producteur exécutif sur le film, ce qui lui donne un petit droit de regard sur le casting, par exemple, ou sur le scénario. Alors c'est difficile de savoir jusqu'à quel point il a été impliqué. Lui, comme le réalisateur, disent qu'il s'est pas, il s'est pas plus impliqué que ça. En fait, le réalisateur dit qu'il se parlait de temps en temps, que King donnait des conseils, mais qu'il a rien imposé de majeur. Mais bon, c'est des interviews promotionnelles, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mmh. Ouais, dans 10 ans, on va apprendre qu'ils se détestaient et qu'ils s'insultaient tous les soirs, quoi. Bah, peut-être, voilà. Le réalisateur et scénariste, c'est John Lee Hancock, qui a bénéficié d'un biopic avec Will Smith dans les années 2000, et c'était pas si mal, dans mon souvenir. Connard. T'es trop con. Ah, putain, Hancock, tiens. Parlons-en d'Hancock, tiens, ce film... avec toute une première partie géniale et après qui sombre totalement dans la nullité plus totale. Au bout d'un moment, mais c'est très drôle au début, ouais. Ah putain. Ça devient un film de super-héros très banal, quoi, dans mon souvenir, dans la deuxième partie. Oui, alors que la première partie critique totalement ce genre de cinéma. Ouais. Bon, plus sérieusement, John Lee Hancock, en 91, il réalise un premier film, mais dans les années 90, c'est plutôt comme scénariste, en fait, qu'il est actif. Avec deux Clint Eastwood, puisque c'est lui qui écrit Un monde parfait et Minuit dans le jardin du bien et du mal. Donc deux vraiment très bons Eastwood. Un monde parfait, pour moi, c'est même mon favori qu'il ait réalisé. Même ensuite, il continue à bosser occasionnellement comme scénariste. Alors peut-être un peu moins sur des chefs-d'œuvre qu'Un monde parfait, puisqu'il bosse sur Blanche-Neige et le Chasseur. Et surtout sur Bad Boys 2, c'est un des trois ou quatre scénaristes de Bad Boys 2. Bon, qui est un film fascinant, qui est un aboutissement de la carrière de Michael Bay, tout ça, tout ça. Est-ce que ça fait de Bad Boys 2 un grand film ? Ça, je pense qu'on va laisser chacun en juger. En tant que réalisateur, ce qu'il recommence à réaliser dans les années 2000, même en parallèle de sa carrière de scénariste, il n'y a rien de ce qu'il a fait que j'ai vu, mais j'ai entendu parler d'une partie de ses films. J'ai entendu parler de The Blind Side, de Dans l'ombre de Marie, qui est un film sur le tournage du film Mary Poppins, avec Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney. Et c'est le réalisateur aussi du Fondateur, le film sur le fondateur de McDonald's, avec Michael Keaton. C'est pas des films qui me donnent forcément très envie, même si je crois que notamment Dans l'ombre de Marie est un film plutôt bien accueilli par la critique. Voilà. Nous allons pouvoir passer au casting, et le casting, ça va aller relativement vite, parce que les deux acteurs principaux, en fait, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, puisque Donald Sutherland... Il jouait Straker dans la série Salem de Michael Salomon, donc, dont on a parlé depuis il y a une éternité. Et donc, on peut hélas remettre à jour parce qu'il est décédé le 20 juin 2024. Il était assez vieux, il avait 88 ans. Oui. Nous avions aussi déjà parlé de Jaden Martell, qui joue Craig, puisque c'est lui qui joue Bill adolescent dans Les Sas de Mouchetti. Autant dire qu'on n'en a pas parlé de bonne manière. Bon, après, il jouait pas mal, quoi. On n'a pas dit de mal de son jeu et tout, c'est le reste des films qui nous convainquaient moins. Lui, il n'y avait pas de soucis majeurs avec lui. Le père de Craig est joué par Joe Tippett, qui joue un peu des petits rôles au cinéma et à la télévision, mais il semble surtout pas mal actif au théâtre, ce qui fait que, bah, forcément, ça nous arrive pas forcément très bien. La professeure Mrs. Hart est interprétée par Kirby Howell Baptiste, qui joue un peu au cinéma, mais c'est surtout une actrice très active à la télévision. Elle est dans des séries comme Killing Eve, Love, Barry ou The Sandman. Assez récemment, elle se fait juste créditer sous son prénom, donc sous le prénom Kirby en tant qu'actrice. D'accord, c'est à partir de là qu'elle a commencé à travailler pour Nintendo, donc. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle est dans tous les jeux Nintendo. Kenny Yankovic est interprété par Cyrus Arnold, qui joue le fils de Derek Zoolander dans Zoolander 2 de Ben Stiller, par exemple. Que je n'ai pas vu. Il a surtout des... Moi non plus, le 2, alors que j'aime bien le premier. Bah oui, pareil. Il a surtout des petits rôles, mais on peut mentionner un film d'horreur appelé Baby Blue. Et à la télé, la série L'Exorciste, il est dans la saison 2, et il est la voix d'un des personnages principaux, pour le coup, sur toute la série Transformers Earth Park. Il paraît que la série L'Exorciste est pas trop mal. Voilà. Ouais, elle a plutôt des bons retours, effectivement. La photographie est de John Schwartzman, qui fait partie par alliance du clan Coppola, puisqu'il est le beau-fils de Talia Shire, donc Adrienne dans Les Rockies, et sœur de Francis Ford, et la tante de ce Sophia clan. Et Nicolas Cage. La taille de ce clan, quoi. Ouais, je vous laisse reconstituer l'arbre généalogique, mais du coup, ça fait de lui le demi-frère de Jason Schwartzman, l'acteur récurrent notamment chez Wes Anderson. Ok. C'est un directeur photo régulier pour John Lee Hancock, puisqu'il s'agit de leur sixième collaboration. On peut mentionner aussi qu'il a collaboré trois fois avec Michael Bay à la fin des années, à la fin des années 90, début 2000, puisqu'il est sur The Rock, Armageddon et Pearl Harbor. Et depuis 2018, il a collaboré six fois avec Paul Feig. Et oui, Paul Feig a réalisé six films depuis le 2018. Il n'y en a aucun dont j'avais entendu parler. En même temps, j'en ai rien à branler de Paul Feig, mais bon. Puisqu'on est dans les chefs-d'œuvre, on peut mentionner que c'est aussi le directeur photo des deux derniers épisodes 50 nuances degrés. Waouh. Ouais. Enfin, je sais pas, je les ai pas vus, la photo elle est peut-être bien. Hein. Ouais, bah c'est très gris, pareil. Ouais. Ce serait été, serait été au moins une forme d'audace de réaliser les films vraiment en noir et blanc, quoi. C'est vrai. Et je vais mentionner aussi, bah, parce que ça va nous permettre de faire une triste nécro, que c'est lui qui a fait la photo de Sans plus attendre, film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, réalisé par Rob Reiner, qui est donc réalisateur de deux adaptations de King qu'on a déjà traitées, Misery et Stand By Me, et qui est décédé dans des circonstances plutôt tragiques le 14 décembre, puisqu'il s'est fait assassiner chez lui avec son épouse, a priori par leur fils. Oui, oui, pour l'instant, l'enquête n'est pas conclue, mais effectivement... Ça semblerait être ça. Donc voilà, R.I.P. Rob Reiner, qui... j'ai pas vu tant de ses films en tant que réalisateur que ça. Non, moi non plus, mais globalement, c'était des films... déjà, tous ceux que j'ai vus de lui, je les apprécie, déjà. Et j'ai l'impression que ça fait partie de ces, cinéastes où on parle pas tellement, alors que il n'a pas réalisé que des mauvais films, quoi, loin de là. Oui, et puis avec c'est lui le fondateur de Castle Rock Entertainment, et il a produit aussi des bons trucs, et politiquement, il avait l'air plutôt actif et... Anti-Bush. Assez, Anti-Bush, anti-Trump. Oui, mais je crois qu'il était anti-Bush aussi à l'époque. Anti-Bush aussi, ouais. par extension. Anti-République. Ouais. Donc voilà, c'est triste, parce qu'il n'était pas si vieux que ça, et c'est pas une belle manière de mourir. Donc, non, clairement pas. Et si tant est qu'il y a des belles manières de mourir, oui, enfin, mis à part la mort de vieillesse, quoi, mais... Ouais. Voilà. Le tournage se fait du 20 octobre au 22 décembre 2021. La musique du film est de Javier Navarrete, un compositeur espagnol qui a collaboré deux fois avec Del Toro sur ses deux films sur la guerre d'Espagne, puisque c'est Les Chines du Diable et Le Labyrinthe de Pan. Mmh. Et la musique du Labyrinthe de Pan, notamment, est magnifique. Oui. Il travaille beaucoup avec le cinéma espagnol et pas dans des trucs que je connais particulièrement. Donc j'ai écouté certaines de ses BO en dehors du film, mais je le connais pas si bien que ça. Mais on peut mentionner en truc que j'ai vu que c'est lui qui a fait la musique de Sa Majesté Mineure de Jean-Jacques Hano. Ah, que j'ai toujours pas vu. Dans lequel il y a Pan, d'ailleurs. Interprété par Vincent Cassel. Alors qu'il n'y a pas Pan dans Le Labyrinthe de Pan. Effectivement. Il a fait la musique de Mirrors d'Alexandre Aja, dont il y a peut-être un autre podcast qui s'appelle peut-être 30 millions d'attaques qui vient de parler d'Alexandre Aja. C'est vrai. Pour vous, ça date d'il y a 15 jours. Pour nous, ça date d'il y a quelques minutes. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et il a fait aussi la musique de La Colère des Titans, celui de Liebesman. La musique est bien, dans mon souvenir. Le film, par contre, waouh. Et voilà. Heureusement qu'il n'y a pas d'animaux et que c'est pas écrit par King, parce que... Ouais, c'est pas grave. Revoir ça, ça ferait mal. Ici, il fait un travail vraiment chouette, assez classique, mais avec de jolies mélodies qui sont menées surtout par le piano. Je trouve ça très bien fait, et ça participe quand même à donner plus de force à plusieurs moments du film. Ouais. Dans les interviews que j'ai lues de Johnny Hancock, il n'y en a pas des masses qui sont intéressantes, hein, c'est des interviews promo. Un des seuls trucs que je me suis permis de noter, c'est qu'il dit en interview à propos de la voix off « Ça aurait été difficile à faire sans expliquer certaines choses. Le film aurait probablement duré au moins une demi-heure de plus car il aurait fallu montrer et tourner beaucoup de choses. Donc c'était un bon raccourci. Mais c'est également dans l'esprit de la novella et de beaucoup d'œuvres de King, ces histoires de passage à l'âge adulte surtout. » Voilà, comme ça on pourra en reparler plus tard. Ok. Le film sort sur Netflix donc le 5 octobre 2022, ce qui rend très compliqué toute estimation de box-office parce que Netflix est peu communicatif sur ses chiffres. Ouais, malheureusement. Mais il recueille des critiques mitigées. La performance de, des deux acteurs principaux, de Jaden Martell et de Sutherland, sont soulignées. Mais c'est souvent pas jugé suffisant pour rendre intéressant le film, selon pas mal de personnes. Il n'a pas non plus des notes exactement catastrophiques, puisqu'il a 2,6 étoiles sur Allociné et 47% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes. Et sur Rotten Tomatoes, sa note moyenne, c'est exactement 50%, ce qui en fait la définition parfaite de l'eau tiède. Et King ne s'est pas démesurément exprimé dessus. Mais encore une fois, je pense que c'est de toute façon encore période promo et qu'il n'en dit pas grand-chose et que je ne sais pas s'il en pense grand-chose au final. Mais voilà. Monsieur Harrigan. Un homme qui s'appelle Dean Whitmore a tué l'une de mes profs du lycée. Il était saoul. Et il a percuté la voiture de Madame Hart et de son fiancé. Madame Hart était quelqu'un de bien. Elle m'a beaucoup aidé quand j'en ai eu besoin. Et ce Dean n'a pas eu ce qu'il méritait. Je veux qu'il meure. J'ai regretté d'avoir laissé ce message à l'instant même où j'ai raccroché. Je me sentais coupable. J'étais coupable. Je me disais que c'était débile d'y penser. Que c'était impossible. Que rien n'allait arriver à Dean Whitmore. Que je devais oublier tout ça. Bah, du coup, on va pouvoir passer à nos avis. Et je t'écoute. Eh ben, c'était chiant. Ah, pardon. Peut-être un peu brutal. Peut-être un peu brutal pour une entrée en matière. Non, vraiment, effectivement, Donald Sutherland est très bien dedans, Jaden Martell aussi, mais clairement, oui, ça suffit pas. Je trouve que le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter, que ça se perd, ça prend beaucoup trop de temps sur certains détails, alors que on s'en fout un peu. Par exemple, juste pour donner un exemple, je trouve que la prof est beaucoup trop mise en retrait, alors que Kenny est beaucoup trop mis en avant, par exemple. Hein. On en reviendra, mais c'est juste pour donner un petit avis comme ça. Mais ouais, globalement, je me suis vraiment fait chier devant, quoi. J'ai pas trouvé ça passionnant, et... Et je trouve que, du coup, le film appuie beaucoup plus sur le côté fantastique que le faisait la nouvelle, et ça me dérange encore plus, quoi. Oui, c'est pas un film que je déteste, mais en effet, c'est pas un très bon film. En fait, je trouve que... Son très gros défaut pour moi, c'est la voix off qui est très présente et qui souligne des trucs qui étaient clairs, qui n'avaient pas besoin d'être soulignés, qui n'avaient pas besoin d'être redits. Donc c'est chiant, ça me gonfle que ce soit aussi présent et qu'on nous prenne autant pour des imbéciles. Surtout j'ai beaucoup pensé à toi. Il y a des trucs bien, il y a des scènes qui pour moi fonctionnent. J'ai beaucoup pensé à toi pendant tout le long du film parce que je sais que... ton amour des voix off. Ouais. Hein. Je me disais j'ai hâte de l'entendre sur ce sujet-là. Ah ouais, non mais c'est plusieurs fois dans mes notes, hein, la voix off, écrit en gros. Hein. Et puis surtout, vraiment, si c'est pour faire des monologues semi-philosophiques comme ça, ça donne pas envie de devenir littéraire. Hein. Ah la vache. Bah, une partie des textes sont repris directement à la nouvelle de King, mais ça passe pas une fois passé au cinéma, quoi. Bah voilà, surtout c'est ça. Fois, les choses nous sont montrées ou n'étaient pas indispensables. C'est deux médiums différents, quoi, au bout d'un moment, arrêtez. Ouais. Et je demande pas à avoir des QTE dans mes adaptations de jeux vidéo, quoi. Tu vois. Oui, non mais c'est ça, c'est ça. Sinon, bah, c'est plutôt pas mal joué. Je trouve qu'il y a des soucis de rythme, mais qui étaient aussi un peu dans la nouvelle. Effectivement, la prof, on aurait peut-être, quitte à développer quelque chose, effectivement, j'aurais bien aimé voir un peu plus la prof. Kuni, je trouve pas qu'il soit si présent que ça au final. Ça m'a pas démesurément gêné. Ah, il l'est plus que la prof, et je trouve que la prof est plus importante, quoi. Oui. Dans ce sens-là, surtout. Ouais. Il y a quelques beaux moments dans les scènes avec Monsieur Harrigan dans les lectures. Voilà, c'est pas un film que je trouve détestable, mais je me suis jamais passionné pour non plus, ouais. Voilà, pareil. Parmi les autres trucs qui me gênent, je trouve que justement, le côté... Harrigan, en fait, est montré comme une menace, mais limite pour tout le monde, quoi. Mis à part pour ses employés. T'as vraiment l'impression que le père de Craig est en perpétuelle compétition avec Harrigan, quoi, sur plein de sujets. Alors que non, en vrai. Autour de quoi tu songes? Bah, typiquement, le moment des cadeaux. Tu vois, l'autre, il lui fait un cadeau, c'est l'iPhone, et l'autre, bah, c'est le coupon. Et... Ah oui, en mettant les deux au même moment, oui. Au même moment, et donc tu vois qu'il gagne 5 000, le ticket à gratter lui fait gagner 3 000 $, et tu vois dans le jeu de l'acteur du père que ça le fait chier. Oui. Oui, effectivement, il y a peut-être un peu plus ça. T'as plein d'autres moments comme ça où il lance des piques envers Harrigan, mais sans que justement il les désamorce derrière, comme il le fait dans la nouvelle, quoi. Ouais. À côté de ça, par contre, je trouve ça plutôt intéressant de montrer que Harrigan, c'était quelqu'un qui pouvait être très violent si on n'était pas dans son bon camp, si on n'était pas dans ses petits papiers. Et la morale qu'il va transmettre à Craig est encore plus clairement critiquable, je trouve, dans le film que dans la nouvelle, et c'est bien montré comme étant critiquable. Oui. Donc ça, à la limite, ça dresse un personnage plutôt intéressant dans ses ambiguïtés. J'aime pas le fait que le film cherche à jouer vraiment sur une ambiance inquiétante très souvent. Quand Craig arrive pour la première fois chez Harrigan, vraiment, il y a une ambiance pesante dans cette bâtisse énorme avec une musique de fond qui peut inquiéter un peu. Il y a un moment où il s'intéresse à une porte qui est fermée et l'autre il lui dit « Oh, n'y va pas, il y a des secrets sombres derrière cette porte », alors que pas du tout. Oui. Vraiment, tout ça, en fait, ça a tendance à m'énerver, quoi, parce qu'on te vend quelque chose et en fait, non, quoi. Bah, ça fait un peu truc de film d'horreur cheap où ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'éléments horrifiques et donc ils en ont rajouté un peu aux forceps qui, en effet, ne vont pas. C'est ça, alors que... Mais en plus, dès le début, la nouvelle n'est pas une nouvelle horrifique, quoi. C'est une nouvelle dramatique. Oui. Dans le genre. Ouais, bon. Mais je pense qu'ils voulaient vendre un peu le film comme un film d'horreur quand même, du moins pouvoir le faire. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour se le permettre avant la deuxième partie. Oui. Comme tu dis, effectivement, les éléments fantastiques sont encore plus soulignés dans le film que dans la nouvelle. Et il y en a un notamment où je trouve que c'est clairement trop. Oui. Ah bah, on a peut-être le même en tête. Est-ce que tu veux du coup qu'on retrace le film au fur et à mesure? Oui, bah oui. Alors pour discuter des choix d'adaptation, on peut dire en très gros que globalement ça reprend plein de scènes de la nouvelle et que ça va surtout changer l'ordre de certaines, histoire de rendre le récit, de donner une autre fluidité au récit, on va dire. Oui. Bon après ça, ces genres de petits changements, si bien fait, c'est pas dérangeant. Oui, voilà, c'est ça. Alors un truc qui est posé dès le début, alors en plus il y a la voix off, mais qui sera pas trop employé par la suite, c'est la thématique du deuil de la mère, qui s'est plus insisté dans le film que dans la nouvelle. Oui. Mais ça sera pas non plus vraiment exploité, il y aura pas non plus tellement de propos autour du fait qu'il fait le deuil de sa mère en même temps que celui de Monsieur Harrigan. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est lâché en milieu de route, ça. Oui, clairement. Alors que c'est dommage que ça donne lieu à une belle scène vraiment sur la fin du film. Vu qu'on y reviendra sans doute pas avec insistance, je vais juste l'évoquer maintenant. C'est le moment où Craig part pour la ville d'à côté parce qu'il rejoint le lycée. Et tu sais, il regarde dans le rétroviseur, il voit son père, sauf qu'il voit également sa mère, tu sais, en espèce de... Bah, du coup, en fantôme, vu qu'elle n'est pas là, ouais. Mais lui, il l'imagine. Et je trouve que la scène est plutôt jolie. Ouais, effectivement, j'aime bien ce moment. Voilà. Dès que Craig va commencer à lire les livres pour Harrigan, là, il y a cette idée que j'aime plutôt bien que les titres des livres s'affichent à l'écran. Oui. Oui. Ça, je trouve que ça permet d'installer un peu quelle est leur relation, comment leur relation se noue aussi au travers de leur lecture, de leurs échanges sur les livres et tout et tout. Oui, et puis surtout que c'est des livres de plus en plus, entre guillemets, adultes slash politisés, quoi. Oui, même si je crois que l'amant de Lady Chatterley vient très tôt, hein. Oui, bah comme dans la nouvelle, pour le coup. Oui. Ce que j'aime bien, dans la nouvelle, il y a ce passage qui est un peu rigolo, où justement le père lui dit, d'accord, j'accepte qu'il passe chez vous, il faut faire la lecture, mais pas de lecture un peu grivois, quoi. Ouais. et quelques pages après, il lui lit un truc ultra torride, quoi. Enfin, ultra torride. Tu m'as compris, quoi. Ouais. il lui lit une relation charnelle. Que l'amant de Lady Chatterley, ça fait partie de ses romans. C'est un peu comme les liaisons dangereuses. Ça bénéficie suffisamment du statut de classique pour que ce soit lu dans les établissements. Alors qu'en réalité, ouais, ce sera un livre qui serait sorti de nos jours. Tout le monde crierait au scandale si on laissait ça entre les mains d'une personne trop jeune. Oui, oui. Oui, c'est pas le Marquis de Sade non plus, quoi. Calmons-nous. Non, c'est pas le Marquis de Sade, effectivement. Il se rend assez vite compte, Craig, en faisant des recherches, que du coup, Harrigan, là, ça a l'air d'être un gentil petit vieillard, mais qu'en réalité, c'était quelqu'un de plutôt méchant en tant qu'homme d'affaires, qui a fait couler des compagnies, qui a vraiment exploité à fond ses adversaires ou ses collaborateurs. Ouais. Donc ça, je trouve ça intéressant de bien insister sur cette ambiguïté du personnage, décidément. Oui, parce que pour le coup, la nouvelle le fait pas tant que ça, je trouve. Ouais, le fait moins, en tout cas, ouais. Ouais. Là, dans les trucs qui vont changer l'ordre, c'est qu'on va assez vite arriver à l'arrivée au lycée, dans un nouvel établissement de Craig, et donc sa rencontre avec son ami U-Boat, qui est juste mentionné au final dans la novella, et la rencontre avec Yanko, effectivement, le Bully, vient finalement très tôt aussi. À noter que l'acteur qui joue le Bully, je trouve que dans les intonations de sa voix, pas parce qu'il a une voix plus aiguë, mais il a des intonations un peu à la Adam Driver. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais il y a un truc qui m'a évoqué Driver. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce passage-là, vraiment, où l'autre lui fait la visite du lycée, ça fait vraiment un film de John Hughes, quoi. Oui. C'est vraiment rigolo, t'as l'impression d'avoir été propulsé dans un autre film. Bah après, pourquoi pas, ça montre qu'il a une autre vie, qu'il a sa vie d'adolescent normal. Oui. Alors il y a tout ce passage... Alors, moi, je trouve ça ridicule, mais il y a tout ce passage où il lui dit alors là, vous voyez, il y a la table des Samsung, là, il y a la table des iPhone, là, il y a la table des téléphones tout pourris. Bon, j'ai compris. En fait, je comprends le message, hein, le message de la sociabilisation via l'objet et la technologie moderne. On y a tous été confrontés, nous-mêmes, dans nos vies et possiblement dans nos établissements scolaires. Mais là, c'est tellement poussé à fond que non, en fait, je trouve ça ridicule. Ouais, c'est peut-être un peu too much, effectivement. Mais voilà. Et arrive enfin la première confrontation entre lui et Kenny. Oui. Donc, qui... Très fidèle à la nouvelle, la scène. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la même que dans la nouvelle, avec le propos qui est sur le cirage des chaussures, où la prof arrive et un peu sauve la situation. Ouais. Mais où Craig comprend qu'il ne faut pas trop parler parce que ça lui voudrait encore plus de problèmes par la suite s'il dénonçait Yanko sur ce coup-là. L'acteur est bien choisi, hein, qui joue Yanko, il est très convaincant dans son rôle. Oui, je trouve qu'il est vraiment bien. Il a une carrure qui vraiment est beaucoup plus impressionnante que celle de Craig, donc ça le met vraiment en opposition, quoi. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que dans la nouvelle, il est très bully, tu sais, il est vraiment très brut, alors que là, tu sens... une fêlure en lui, dans son jeu d'acteur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sens qu'il y a quelque chose, en fait. Tu sens qu'il est pas à l'aise avec ce qu'il fait. Et du coup, tu peux un peu anticiper ce qui va arriver, malheureusement. Ouais, mais du coup, ça aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas eu un élément au moment de sa mort qui fait rentrer totalement le fantastique. Parce que sinon, justement, ça aurait pu être intéressant... que de souligner que bah, peut-être juste il est fragile, peut-être juste il va pas bien, ça aurait pu être bien. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce sera encore une fois pas suffisamment exploité par la suite. Après ça, Craig il demande à son père un téléphone. Ouais. J'aime beaucoup l'explication du père. L'autre il lui dit bah si, parce que je pourrais en avoir besoin si j'ai une urgence ou que je dois appeler à l'aide. Et l'autre il lui dit tu sais, on a une toute petite ville, si tu cries dans la rue. Les secours seront là, quoi, ils vont t'entendre. Oui. C'est drôle. Mais au final, même si le père dit non dans un premier temps, il va tout de même prendre son téléphone à Craig au bout d'un moment. Oui. C'est son cadeau de Noël, justement. Oui. Le père, pour le coup, est égal à lui-même dans la nouvelle que dans l'adaptation. C'est quelqu'un qui, tu sens, qui a vraiment un bon fond, quoi. Il a aucune once de négativité en lui, quoi. Oui, c'est clairement un bon père, ouais. Et pour le coup, bon, les bons pères chez Stephen King, c'est pas souvent. C'est pas la majorité. Donc réjouissons-nous. Effectivement, on peut le mentionner, ouais, pour une fois que ça arrive. Bravo à lui. Bon, du coup, il est bon, mais la mère est morte. Voilà. Ouais, bah écoute, et... mais c'est pas de sa faute. Peut pas avoir une famille totalement fonctionnelle dans ce bordel, quoi. Non, bah... Écoute, c'est compliqué, la vie, hein. Monsieur King, voyons. Vous qui avez des enfants et qui êtes marié à votre femme depuis des années, putain. C'est vrai qu'en plus, lui, pour le coup, a l'air d'avoir un modèle familial tout à fait, tout à fait sain, donc c'est un peu rigolo, ouais. C'est marrant, quoi. Mais du coup, après, en tant qu'auteur, tu t'inspires de ce que t'as vécu, donc forcément. Oui. Si c'était pas le cas dans sa famille à lui. Bah, c'est vrai que lui, sa jeunesse a été avec un père absent, son père s'est barré, et du coup, sa mère devait beaucoup lutter pour s'occuper d'eux, donc ça a peut-être influencé sa manière d'écrire les familles, ouais. Voilà. Mais donc, bah, le même jour, il a l'offre du cadeau du père, et il reçoit aussi le fameux ticket de M. Harrigan, sauf que cette fois-ci, c'est le ticket gagnant qui lui rapporte 3 000 $. Et donc, c'est ça que t'évoquais, toi, comme mettant du coup en compétition les deux. C'est ça. Je trouve que c'est tourné de manière à vraiment ce que tu te dises, bah, le père est vexé, il se sent en compétition avec Harrigan. Oui, non, mais il y a un peu de ça, hein. Clairement, il se sent un peu vexé au moment où il reçoit le cadeau. Hein. La scène que j'aime bien, c'est celle après où Craig l'appelle, justement. Elle lui dit « Oui, j'ai gagné, nanana ». Il y a un tout petit discours où Harrigan dit que bah, il est content. Enfin, il y a un ticket qui porte ses fruits parce qu'il les offre à ses amis. Ouais. Et genre, elle lui dit « C'est tout ce que t'avais à me dire ?»« Oui, oui, ok, au revoir. » Et raccroche de manière ultra brutale. Et t'as Craig qui est tout seul chez lui devant son téléphone. « Bah, m'a raccroché à la gueule, le vieux con, là. » Mais ça montre bien que Harrigan est tout seul, en fait, à Noël aussi. Que, bah, oui, il c'est a ça. Jamais personne auprès de lui. Et que finalement, la seule personne qui l'appelle, c'est Craig. Voilà. Que sinon, personne se soucie de lui, en fait. Ouais, mais il y aura une autre scène, justement, un peu plus tard. J'y reviendrai, que je trouve plutôt jolie. Ouais, je pense que je vois à laquelle tu penses, mais ouais. Sur Harrigan et ses amis, ses fameux amis. Après, c'est retour à l'école. C'est Craig qui est ultra pressé d'aller s'asseoir à la table des iPhones, parce que la classe, quoi. Ouais, bah oui, c'est... Là, encore une fois, on est dans du John Hughes sur 20. Ouais. En moins bien fait, quand même. Hein. En moins bien fait. Elle a souvent mieux fait que ça, quand même. Oui, parce que lui, il va s'asseoir direct, t'as ses potes qui restent derrière la vitre en mode « Oh !» Voilà. Il y a le début d'une petite amourette. Clairement, on en a rien à foutre. Pourquoi c'est là? Ça prend du temps pour rien. Alors que ça, bah, c'est vrai que ce temps, sera absolument pas développé, ouais. Donc, ça aurait pu être dispensable. Voilà. Il y a la scène avec Harrigan où Harrigan s'interroge sur bah, « Pourquoi tu continues Tu continues à venir me faire la lecture, t'as pas vraiment besoin de l'argent, et tout et tout. » Et oui, il s'étonne quand Craig lui dit « bah, j'aime bien nos sessions lecture. » Oui. Et c'est suite à ça que Craig décide de lui offrir le téléphone. Là, encore une fois, une scène vraiment fidèle à celle du roman, à celle de la nouvelle. Il lui offre, l'autre il lui dit que bah, il en veut pas, j'étais sûr que mon père avait dit que ça était comme ça que ça allait se passer. Oui, bah, ton père est intelligent, blablabla, et puis il lui monte la bourse et voilà. Ce que je lui reproche dans la version film, c'est que je trouve qu'elle passe un peu trop vite, cette scène. Tu vois, autant il y a des moments sur lesquels on passe trop de temps, autant ça, pour montrer le retournement de Harrigan, bah, ça aurait mérité peut-être qu'on s'y attarde un peu plus. Bah, disons que là, il n'y a que la bourse qui semble convaincre, alors que dans la nouvelle, il y a la bourse, il y a le fait qu'il puisse lire ses journaux facilement, qu'il n'y ait pas de décalage et tout, quoi. Ouais. Il y a d'autres éléments où il n'y a pas que la bourse. Donc je trouve que ça va un peu trop vite à ce moment-là, mais sinon, oui, la scène est très fidèle à ce qu'elle était dans la nouvelle. Voilà. C'est juste que, en fait, c'est long. Tout est long. Là, on en est à 30 minutes de film, déjà. Ah bah, faut que le film fasse 1h30, hein, donc ouais. Il fait pas 1h30, il fait 1h45. Ah oui, même. Bah, écoute. À l'aide. C'est long. Il y a la conversation un peu plus tard. Alors là, on voit l'enregistrement du message audio. Ça, à la limite, pourquoi pas. C'est quand il enregistre le message que Craig entendra plus tard depuis la tombe. Ça, pour mettre l'enregistrement, je trouve que c'est pas forcément mal. Oui, parce que Craig, il lui dit « bah c'est succinct », et puis l'autre, il fait « oui, bah c'est parfait ». Ouais. Ça, c'est rigolo, oui. Ça appuie bien sur le caractère de Harrigan. Il y a aussi, à nouveau, de tirer de la nouvelle, la discussion sur le futur d'Internet. Là, il y a un ajout qui n'était pas dans la nouvelle, c'est celui sur les fake news. Oui. Qui du coup est bienvenu et qui est, montre bah, que la nouvelle, que l'adaptation date de quelques années plus tard, où vraiment il y avait eu un gros combat qui se développait autour des fake news, oui. via Donald Trump et compagnie, et qui était devenu une arme politique assez importante. Et c'est juste que ça, je trouve moi personnellement que ça ne colle pas avec la personnalité d'Harrigan qui est justement ultra politisé, plutôt droite et ultra capitaliste, et qui du coup profite des fake news quoi. Ouais, mais il a l'air d'être un capitaliste très à l'ancienne, de ceux qui pouvaient être des salauds, mais qui veulent pas non plus plonger... Enfin, qui veut faire ça de manière raisonnable, qui a une certaine vision, en tout cas, du raisonnable. C'est le capitalisme de gauche, quoi. Ouais, j'irai pas jusque-là, hein, faut pas déconner, mais c'est le capitalisme pas encore totalement facho, on va dire. Ah, je vois, ouais. Enfin, ça me perturbe un peu, personnellement. Oui, oui, je peux comprendre, mais... Je crois qu'il y en a encore, enfin, hein, pour ceux qui sont pas morts, des hommes d'affaires un peu à l'ancienne, ils sont dans un état d'esprit où ils se disent qu'il y a moyen de pas sombrer dans la fake news et compagnie. Oui. Je sais pas comment on fait, mais je crois qu'il y en a. On se nique la gueule entre nous, mais on va laisser le bas peuple tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'ils sont persuadés d'avoir une éthique, en somme. C'est chez Karl Barks et Don Rosa, ça. C'est dans le Picsou. Et Harrigan, d'ailleurs, fait peu après une leçon qui, là aussi, est montrée comme étant très critiquable sur le fait qu'il faut savoir écarter ses ennemis sans avoir la moindre hésitation et sans jamais avoir le moindre regret. Ouais, et puis il lui fait promettre de manière virulente à Craig de faire pareil. Oui, voilà, donc il est vraiment quand même très dans une lecture, bah oui, du capitalisme un peu à la self-made mad et compagnie. Qui est clairement montré comme étant nocive. Oui. En tout cas, si tu t'installes dans cette satanée ville et que tu intègres ce milieu, sache qu'il est difficile et injuste, et tu t'y feras des ennemis. Dieu sait que ça m'est arrivé. Oui, je sais. Craig, je veux que tu me promettes quelque chose. D'accord. Quand tu te retrouveras face à eux, tu devras t'en débarrasser au plus vite. Je parle de ses ennemis. T'en débarrasser ? Au plus vite. Et tu n'auras absolument aucune raison de te sentir coupable d'avoir agi ainsi. Promets-le-moi. Promets-le-moi ! D'accord. C'est promis, je le ferai. Très bien. Merci, Monsieur Harrigan. Ça me fait plaisir, Craig. Sincèrement. Et là, c'est peut-être là que tu as la deuxième scène que tu trouves belle autour des amis de Monsieur Harrigan, parce que ça arrive oui. Au moment de cette conversation. Quand il lui demande de chercher son chéquier pour le payer dans le tiroir, et qu'on apprend juste après qu'en fait, bah, dans le tiroir, il y a que très très peu de tickets à gratter, alors qu'il dit qu'il le fera à ses amis. Ce qui sous-entend que bah, finalement, il n'en a pas beaucoup, mis à part Craig. Oui. C'était ça, voilà. Effectivement, c'est plutôt joli à ce moment-là. Juste au moment... C'était juste après la lecture de Crime et Châtiment. Qui a dû le reprendre un moment, hein, parce que c'est un sacré pavé. Ah oui. Craig termine Crime et Châtiment et lui, il est sur son téléphone, il en a à foutre. Je l'ai pas lu, mais il y a l'air d'y avoir des passages chiants dans Crime et Châtiment. Hein. Je peux peut-être le comprendre hein, de vouloir faire un peu autre chose. Je l'ai pas lu non plus. Bon, après en anglais c'est moins long qu'en français. Les mots sont moins grands en général. Il y a moins de oui, pages. Effectivement, mais bon, ça a l'air quand même d'un joli pavé. Hein. Oui, oui. Et la fois suivante où il se rend chez Harrigan, alors déjà on a l'impression que Harrigan sait qu'il va mourir hein, tant il est insistant dans sa promesse, mais la fois suivante où il se rend chez Harrigan, il le trouve mort là de manière très proche à la nouvelle. Ouais, il a même les mêmes réflexes avec le petit miroir et tout. Ouais. Sauf qu'il y a un élément fantastique qui arrive en jumpscare, qui n'a rien à foutre là, t'as le téléphone qui sonne au moment où il s'en approche quoi. Bah, à la limite, là, tu peux te dire que c'est pas encore fantastique et que c'est un hasard le corps qui a appuyé. Oui, dessus, ça n'arrive pas sur le bouton. Mais ouais. N'empêche que c'est montré comme un jumpscare. Oui, ça par contre, oui, totalement. Et là, il décide de lire un livre une dernière fois en attendant les ambulances et compagnie, ce qui est plutôt joli, là, pour le coup. Alors, c'est à la fois joli et un peu glauque, quand même. Oui, mais je peux comprendre, tu vois. Je sais pas trop sur quel pied danser, mais à la rigueur, oui. 728 pages, Crime et Châtiment, voilà. J'aurais dit plus. Donc, il y a l'enterrement, tout ça, c'est assez proche du roman. Et là, tu vois, s'il y a des passages où on aurait pu passer un peu plus de temps, c'est peut-être ce genre de moment, quoi. Je trouve que ça passe un peu vite, moi. Ouais, je suis d'accord. C'est très vite expédié, effectivement. Et un peu vide, je trouve. Dans la nouvelle, c'est montré comme il y a un énorme cortège, l'église est remplie à ras la gueule, alors que là, bah non, en fait, c'est pas le cas. Alors, je crois que c'est dit qu'il y a du monde, mais que tout le monde a l'air d'être venu un peu en se forçant et qu'il n'y a pas de véritables amis, tu vois. Oui, mais c'est pas le cas dans l'adaptation. Ouais. Dans l'adaptation, l'église n'est pas pleine, il y a plein de sièges vides. Mais du coup, je peux comprendre ce choix d'adaptation qui montre... Parce que dans les deux cas, il s'agit de montrer qu'au fond, Harrigan était plutôt isolé. Et je peux comprendre, du coup, cette volonté de montrer Harrigan isolé en mettant peu de monde. Là, à la limite, je vois où ça veut en venir. Donc on en est au fameux passage où il lui met le téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Ouais, ça, comme dans la nouvelle... Et après, ça suit vraiment finalement la nouvelle avec le fait qu'il va envoyer, qu'il va appeler Harrigan et qu'il va recevoir un premier message très cryptique. Ouais. Et là, je trouve encore une fois que c'est trop rapide. C'est trop rapide et ça fonctionne pas du coup. Enfin, il n'y a pas de tension qui s'installe, d'angoisse qui s'installe. Le père le rassure très très vite. Oui. On n'a pas eu le temps de faire monter une véritable tension autour de la possibilité qu'Harrigan ait été enterré vivant. Bah globalement, oui, le film manque de tension à tous les points. Là, du coup, on va reconnecter sur la vie au lycée. Ouais. Assez rapidement. Avec toujours plus de monologues intérieurs. Ouais, du coup, hélas. Du coup, t'es aux anges. Ouais. Il y a le fameux passage où lui dit « Ah, il y a ma pote qui va sans doute m'inviter à danser, mais en fait, j'en ai rien à foutre d'elle, je vais aller avec l'autre. » Ouais, c'est toujours sympa. Ouais, effectivement, ouais. Et toujours sympa moins, comme monologue intérieur. À la limite, il n'est pas forcé d'être amoureux de sa pote, mais c'est vrai qu'au moins, faut mettre les choses au plat, quoi. Faut mettre les choses au clair, là. Ouais. Oui, voilà. On va dire il est ado. On va dire il est ado. On va dire il est con. Bah, il est ado. C'est ça. Et il y a Yanko qui va arriver de nulle part. Ouais, bah, c'est... En fait, il va le suspecter de... En fait, il a vu Craig le voir faire un échange de drogue à la sortie du lycée, et c'est pour ça qu'il va croire qu'il a été viré... Et qu'il va surgir, en effet, au moment du bal de fin d'année. Ouais, donc baston. Ouais, là encore une fois, très proche de la nouvelle. Hein. Oui, pas grand-chose à dire. Même la scène avec la prof, même si elle est brève, quoi. Oui, bah, elle est vraiment très très brève. Oui, elle est vraiment raccourcie, oui. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et du coup, Craig va appeler Harrigan comme dans la nouvelle, même si là, il y a en plus la précision que c'est le père qui lui dit « Faut que t'en parles à quelqu'un, faut pas que tu gardes ça pour toi ». Ça, c'est un peu de trop, tu vois. C'est les moments où je trouve que le film est trop explicatif oui. Et aurait gagné à en dire moins. On aurait pu s'en passer, clairement. Ouais. Mais bon, Craig appelle Harrigan. Voilà, ça enchaîne direct. Yanko est mort. Ouais. Ah, pas le temps de niaiser. Yanko, il est mort. Autant il y a des moments où ça prenait trop son temps, autant là, ouais. Il est mort, hop, direct après, on le retrouve, il reçoit un SMS. En fait, tout ce passage-là me dérange pour la structure et pour la temporalité. Il reçoit un message de U-Boat qui lui dit « Yanko est mort ». Direct après, on les voit dans la voiture, ils vont devant chez Yanko et le cadavre est embarqué. Ben non, mais temporellement, c'est pas possible. Oui, l'autre, il lui envoie un SMS, ouais. Le temps qu'ils arrivent dans la voiture, qu'ils partent. Genre, personne n'a ramassé le cadavre entre-temps, quoi. Ben non, c'est pas possible. Bah, et puis surtout, comment il l'a appris aussi vite Voilà. Moi, vraiment, tout ce passage-là me dérange. En termes narratifs et temporels. Alors après, bon, passons, hein, mais bon. Non, mais je suis assez d'accord, c'est vrai que ça fait bizarre. On sent que ça a été fait juste pour pouvoir mettre la scène où il voit le cadavre se faire emporter. Craig Oh, désolé. Non. Reste une minute. Oh, non, j'ai cours. Je te ferai un mot. Où tu es aujourd'hui? Je suis là. Pas vraiment. C'est à cause de Kenny. Je vois. Écoute, si tu crois que tu as quoi que ce soit à voir avec sa mort, j'ai lu son dossier. Malheureusement, Kenny n'avait pas une vie des plus simples. Il avait des problèmes chez lui, des problèmes au lycée, des problèmes psychologiques, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu n'y es pour rien. Bon, allez. Vas-y, tu ne devrais pas être en retard. Craig ? Je ne pourrai jamais me réjouir de la mort d'un enfant. Mais je me réjouis que toi, tu n'es rien. Madame Hart, vous croyez aux fantômes ? Non. Non, je suis bête, vous êtes une scientifique. Je suis enseignante, pas scientifique. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je préfère éviter de penser à ces choses-là. Je n'irai pas faire une séance de spiritisme ou jouer avec un Ouija à essayer d'invoquer les morts. Ah oui ? Ma grand-mère disait souvent, on appelle un fantôme quand on est sûr de vouloir une réponse. Parce que ce ne sont pas tous des saints. Sinon, ensuite, il va y avoir les deux discussions, donc celle avec la prof, puis celle avec le pasteur. La prof, ouais. Elle est assez semblable, même si encore une fois trop courte. Et le pasteur qui va lui dire comment, selon tout le monde, Yanko est mort. Alors cette fois-ci, il n'y a pas l'histoire de la masturbation hein, dans tous les non. cas. Non. Et du coup, c'est ça qui. Et du coup, ça te dérange. J'imagine que c'est cette séquence-là qui te dérange pour l'intégration du fantastique. Beaucoup ouais. trop. Youhou, je suis là oui. ouais, ouais. Puisque Yanko est mort dans la même position que Craig a été retrouvé quand il s'est fait tabasser. Et surtout, il avait du cirage dans la main. Or, la première chose qu'il demandait à Craig au début, c'était lui cirer les chaussures. Tin, voilà. Tin, tin. Et là, effectivement, c'est tellement. Youhou! Je suis un fantôme. Ouais. Bah, et puis surtout, tu mènes une enquête un peu plus sérieuse, genre le gars qui se jette juste du toit ou qui est juste tombé du toit, ok, tu mènes une enquête relativement superficielle, admettons. Mais le gars qui a bouffé une boîte entière de cirage avant, je sais pas, ça crée un mystère, tu mènes une vraie enquête. Alors ça rentrera aux irrésolus parce que la police va pas pouvoir penser aux fantômes. Mais ça fait un peu plus de mouvement que ça, quand même. Mais disons que ça fait un peu modus operandi de tueur, quoi. Ouais, oui, en plus, effectivement. Donc bon, tu peux pas songer que quelqu'un l'a fait de son plein gré, oui. Donc en effet, pour moi, ça marche pas du tout. On est d'accord. Ensuite, il y a un gros montage, passage du temps, avec à nouveau la voix off, le temps passe, les souvenirs restent, les feuilles mortes, etc., etc., donc je suis à la commode. Puis Craig part à l'université, c'est là qu'il y a le joli plan que tu évoquais tout à l'heure, où il voit sa mère, le fantôme de sa mère dans le rétroviseur. Attends, t'as sauté un passage encore qui pareil, me fait dire, mais pourquoi À quoi sert ce passage ? T'as tout le passage où il va chez les pauvres, là, des trucs de caravane. Chez les ah, pauvres, oui. pardon. Mais du coup, pour enquêter... Je suis allé en visite chez les pauvres l'autre jour, c'était pittoresque. C'est comme ça que c'est présenté, après. Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est la vision d'un réalisateur, après tout. Il va chez les... Du coup, il va là où vivait le mec qui a été viré pour avoir volé Harrigan, quoi. Et à quoi sert ? À quoi sert cette scène ? Strictement à rien, quoi. Il y va... Et il y a une vieille qui dit « Oui, il habitait là, un vieux connard de riche l'a viré un jour, et du coup il s'est suicidé. » Ah ok, bah c'est super. Bah, le truc, c'est que cette discussion, elle est faite par la domestique, normalement, parce qu'elle est dans la nouvelle, mais elle est entièrement avec la domestique. Là, c'est séparé en deux temps. Et effectivement, je comprends pas bien l'intérêt de toute cette deuxième partie qui dure, où il doit aller à la caravane et compagnie, pour apprendre finalement que le gars s'est suicidé parce qu'il trouvait pas de boulot, ce qu'il aurait tout à fait pu apprendre de la domestique. Ah oui, et puis surtout qui n'implique pas forcément Harrigan, quoi. Bah, à la limite, si, vu que c'est lui qui a tiré les ficelles pour que le gars retrouve jamais de boulot. Mais, oui, mais la manière dont c'est montré, c'est plutôt en mode c'est lui qui a fait en sorte que l'autre meure, plus qu'il a pas trouvé de boulot. Genre vraiment, oui, c'est ça en fait le problème, c'est que c'est montré comme s'il avait. C'est comme s'il l'avait directement tué. Alors, il y a peut-être volonté de développer un propos sociologique autour de ça, mais il est très très malmené, si c'est le cas. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que oui, si c'est une manière de nous montrer, attention, le capitalisme tue, bon bah, on le sait, mais en plus de ça, c'est mal montré. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais donc voilà, Craig part pour l'université. Là-bas, on comprend qu'il devient plus ou moins rédacteur du journal de l'établissement. Voilà. Ouais. Il a été dans le magasin d'iPhone, de téléphone, là, pour... Ah oui, pour en changer, effectivement, ouais. Pour en changer. Ce qui permet de constater que l'esthétique des magasins d'iPhone, c'est dégueulasse depuis longtemps. Hein. Oui. Enfin, c'est même pas un magasin d'iPhone, là, c'est vraiment un magasin de téléphonie. Que t'as plusieurs marques sur les murs. Mais oui, c'est une esthétique très hospitalière, finalement. Très aseptisée. Oui. Mais donc voilà, effectivement, il va au lycée, il y a la séquence où il voit sa mère dans le rétroviseur qu'on trouve tous les deux plutôt jolis visuellement. Là, il y a un montage de temps qui passe, mais qui du coup passe peut-être un peu trop rapidement, parce qu'on va, il y a le même problème que dans la nouvelle, c'est le temps passe très vite et on en arrive très très vite à la mort de la prof, sans avoir eu suffisamment l'impression que du temps a passé, quoi. Ah oui, et d'autant plus dans l'adaptation, vu qu'elle est super en retrait, quoi. Oui. À la limite, l'idée qui est pas trop mal, c'est qu'il écoutait Stand By Your Man au moment où il reçoit l'appel de son père pour annoncer la mort de la prof. Oui. Bon, ça a un côté pas subtil, évidemment, mais c'est pas si mal amené. L'accident de la prof est trop long, vraiment. Encore une fois, hein, le nombre de choses trop longues dans ce film. Oui, on n'avait vraiment pas besoin de le voir, en fait. Il est super long, en plus il y a la voix de narrateur du personnage principal qui nous explique ce qui se passe. Bon... Voilà, quoi. C'est-à-dire, on le voit, t'es pas obligé de nous dire. Et là, ils étaient dans la voiture, on le voit. Ils ont été percutés par un mec, on le voit. Le mec était alcoolisé, on le voit. Tu vois, arrête-toi, quoi. La voiture était une Renault Safran de 1982, d'une jolie couleur vert pomme. Non, mais, tu sais, c'est comme dans les vieilles BD, dans les vieilles bandes dessinées, où tu vois le personnage ouvrir une porte et, et t'as la bulle de narration. Et là, le personnage ouvrit la porte. Bah oui, merci. Je le vois. Superman ouvrit la porte et dit « ça perd l'hippopète » et en dessous t'as une bulle « ça perd l'hippopète ». C'est tellement ça, quoi. Mais je l'ai énormément remarqué dans des films de cette année et globalement des films récents, c'est vraiment un défaut qui se développe de plus en plus, je trouve, la tendance à mettre la narration. Et tu disais que t'avais repris un peu un abonnement Netflix pour voir plusieurs trucs et tu vas voir, c'est vachement présent dans Frankenstein, ce qui me fait chier. Hein. Ouais. Je pense vraiment que le film pouvait gagner une étoile dans mon appréciation sans ça. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, c'est insupportable. Mais bon, voilà, l'accident a lieu, les funérailles arrivent, l'église est remplie. Bon, là, très fidèle à la nouvelle. Oui. Parce que la prof était très appréciée. Le fiancé n'est pas mort, alors que les deux meurent dans le récit. Oui, bon, ça change à peu près rien, hein, au final. Oui. Et Craig va, comme dans la nouvelle, retrouver son vieux téléphone, le rebrancher et pouvoir contacter Harrigan. Oui. Là, ça suit de très près. Et globalement, là, si tu trouves que c'est too much dans la nouvelle, j'imagine que tu trouves que c'est too much dans l'adaptation, parce que à ce niveau-là, c'est très fidèle, le savon et compagnie. Oui. Le texte de Stand By Your Man, là, il n'y a vraiment pas tellement de différence par rapport à ce que c'était dans le récit. Oui, il n'y a même aucune différence. La seule différence, c'est qu'il y a un montage alterné où tu le vois découvrir la fameuse pièce secrète que Harrigan cachait au début du film, mais en fait, tu vois qu'il n'y a rien, c'est juste des photos et des souvenirs de jeunesse, quoi. Ouais, que juste, il ne voulait pas confier, en fait, son passé. On constate que lui aussi a perdu sa mère quand il était assez jeune. Ouais. À la limite, ça montre que Harrigan ne voulait vraiment pas se confier à des gens, hein. Donc ça, c'est plutôt joli, je trouve. Oui, à la rigueur. Ensuite vient le moment où il est au cimetière, bon, il discute avec la tombe d'Harrigan, et où il dit qu'il pense avoir compris la signification des messages. Oui. Là, pour le coup, le fait que la discussion se fasse au cimetière et tout, je trouve qu'elle est plutôt bien, tu vois. Enfin, c'est un moment que j'aime assez, là où il s'interroge sur est-ce que Harrigan veut le protéger ou est-ce que c'est que lui-même a mal. Oui. J'aime bien ce passage-là dans l'adaptation. Oui. Moi, j'aurais préféré que ce soit en voix off, mais bon. Pardon. Je ne rebondis plus. Mais donc, là, on arrive directement à la fin où il va décider de jeter le téléphone. On en avait déjà eu plus ou moins un aperçu au début, en réalité. Oui, parce que le film souffre sur ça, le moment où il court vers la rivière. Ouais. Mais on ne sait pas pourquoi, au début du film. Ouais. Mais donc, comme dans la nouvelle, il va jeter le vieux téléphone, mais il va garder son téléphone récent et terminer sur les mêmes mots que dans la nouvelle, mais encore une fois, c'est en voix off, donc on n'en veut pas à ce stade-là, et ça nous gonfle, voilà. Oui. Bah donc, s'il n'y avait eu que ça en voix off, d'accord, mais c'est pas le cas. Ouais, oui, voilà, s'il n'y avait eu que ça, pourquoi pas, mais bon. Et c'est fini, et voilà, bah au final, tout combiné, c'était pas inintéressant, hein, encore une fois, mais ça a beaucoup trop de défauts pour être vraiment complètement convaincant. Ah oui, puis c'est beaucoup trop long, quoi. Ouais. C'est vraiment trop long pour ce que ça raconte. Voilà, générique. Ouais, avec une jolie musique, vu que la musique est bien, donc ça va. Clap de fin, éventuellement. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire de l'adaptation. De l'adaptation. Bah moi aussi, je pense qu'on peut passer à un petit comparatif de scène. Très bien, pour la comparaison, nous choisissons une scène qui vient relativement tôt dans la nouvelle, puisque M. Harrigan est encore vivant. Craig vient de lui offrir le téléphone, de lui faire découvrir son utilité, mais M. Harrigan soulève quelque chose qui l'interroge pas mal dans le fonctionnement de ce téléphone, et son fonctionnement commercial surtout. Et donc je vais vous lire un passage dans la nouvelle, donc dans le recueil Si ça saigne, hein, et aux éditions Le Livre de Poche. Nous sommes à la page 46 et la traduction est par Jean Esch. Je pensais à la foire de Fribourg, où nous allions, avec mon père, une ou deux fois au mois d'octobre. Généralement, nous amenions mon ami Margie, qui habitait au bout de la rue. Margie et moi, nous montions dans les manèges et puis, tous les trois, nous mangions des Duck Boys et des saucisses, avant que papa nous oblige à aller voir les nouveaux modèles de tracteurs. Pour atteindre les stands de matériel, il fallait passer devant la tente Bino, gigantesque. Je parlais à M. Harrigan du type posté à l'entrée avec un micro qui expliquait aux passants que la première partie était gratuite. Il réfléchit. Un attrape-nigo ? Oui, il y a une certaine logique. Tu es en train de me dire que l'on peut juste consulter un article ou deux et qu'ensuite la machine... Qu'est-ce qui se passe ? Elle t'interdit l'accès ? Elle t'explique que pour jouer, tu dois payer ? Non, reconnus-je. Je ne pense pas que ce soit comme la tente Bino. Parce que vous pouvez lire autant d'articles que vous voulez, du moins à ma connaissance. C'est de la folie. Distribuer un échantillon, c'est une chose, mais offrir tout le magasin ? Il renifla avec mépris. Il n'y avait même pas une seule publicité, tu as remarqué ? Or, la publicité est une colossale source de revenus pour les journaux et les magazines. Colossale ! Il reprit son téléphone, considéra son reflet dans l'écran redevenu noir, puis le reposa et me dévisagea avec un sourire étrange, acerbe. Nous sommes peut-être face à une gigantesque erreur, Craig, commise par des gens qui ne comprennent pas plus que toi et moi les aspects pratiques, les ramifications de cette chose. Peut-être qu'un tremblement de terre économique se prépare. D'ailleurs, si ça se trouve, il a déjà commencé. Un tremblement de terre qui va changer la manière dont on reçoit les informations, quand et où on les reçoit, et donc notre façon de regarder le monde. Il marqua une pause et de réagir. « Évidemment. Je suis perdu. Écoute-moi. Supposons que tu es un chiot. Tu dois lui apprendre à faire ses besoins dehors, d'accord ?»« Oui. Si ton chiot n'est pas propre, est-ce que tu lui donnerais une récompense parce qu'il fait caca dans le salon ?»« Bien sûr que non. Ce serait l'encourager à faire exactement l'inverse de ce que tu veux lui inculquer. Eh bien, dans le monde du commerce, Craig, la plupart des gens sont des chiots. Il faut éduquer. » Je n'aimais pas beaucoup ce concept. Je ne l'aime toujours pas. Et cette notion de punition-récompense en disait long sur la manière dont M. Harrigan avait fait fortune. Mais je ne fis aucune remarque. Je le voyais sous un jour nouveau. Il m'évoquait un vieil explorateur qui entreprend un nouveau voyage. C'était fascinant de l'écouter. Néanmoins, je ne crois pas qu'il essayait de faire mon éducation. Lui-même était en train d'apprendre et, pour un homme de plus de 80 ans, il apprenait vite. « Les échantillons gratuits, c'est très bien, » ajouta-t-il. « Mais si tu leur fais trop de cadeaux, que ce soit des vêtements, de la nourriture ou des informations, les gens considèrent cela comme un dû, à l'image du chiot qui chie par terre et qui te regarde droit dans les yeux en pensant « Tu m'as appris que c'était bien !» Si j'étais le Wall Street Journal, ou le Times, ou même ce foutu Reader Digest, ce bidule me foutrait la trouille. Il reprit l'iPhone comme s'il ne pouvait plus s'en passer. C'est une canalisation éventrée, mais au lieu de cracher de l'eau, elle crache de l'information. Tout d'abord, j'ai cru qu'on parlait d'un simple téléphone, mais maintenant, je vois. Ou plutôt, je commence à voir. Il secoua la tête, comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Imaginons qu'une personne détenant des informations confidentielles sur un nouveau médicament en cours de développement décide de publier les résultats des tests par le biais de ce machin, pour que le monde entier puisse les lire. Cela pourrait faire perdre des millions de dollars à Upjohn ou Unichem. Ou bien, imaginons qu'un individu mécontent décide de dévoiler des secrets d'État. Ben, il se ferait arrêter, non? Peut-être, probablement. Mais une fois que le dentifrice est sorti du tube, comme on dit, aïe aïe aïe. Mais ne parlons plus de ça. Dépêche-toi de rentrer, si tu ne veux pas être en retard pour dîner. Je file. Merci encore pour le cadeau. Je ne l'utiliserai pas beaucoup, sans doute, mais j'ai l'intention d'y réfléchir, selon mes capacités. Mon cerveau n'est plus aussi vif qu'autrefois. Je trouve qu'il est encore très vif, dis-je, et ce n'était pas pour lui faire de la lèche. Pourquoi, en effet, n'y avait-il pas de pub pour accompagner les vidéos sur YouTube et les articles de journaux? Les gens seraient obligés de la regarder, non? De plus, mon père dit toujours que c'est l'intention qui compte. Un dicton que l'on prononce souvent sans y croire. Voyant la perplexité sur mon visage, il ajouta « Oublie ça. À demain, Craig. » Très bien, et maintenant la même scène dans le film. On peut préciser tout de suite que dans le film, ce n'est pas directement après le don du téléphone, il y a un petit décalage, c'est une scène qui vient dans un second temps. Oui. Même si peu de temps après. Est-ce que ça va? Non. Non, quelque chose me préoccupe. Tu pourrais peut-être m'éclairer. Je lis des articles de journaux sur ce téléphone. Depuis un mois. Tout ça sans avoir à payer. Ouais? Non, je profite d'un service gratuit, mais que beaucoup de gens payent pour avoir. C'est génial, non? Non, au contraire. Fournir gratuitement autant d'informations à n'importe qui, c'est en totale opposition avec ce que je sais du monde des affaires. Le World Wide Web est comme une canalisation éventrée, mais à la place de l'eau, elle déverse des informations sans jamais s'arrêter. Tu crois que c'est comme un échantillon pour attirer le chaland? Je te pose la question. Je crois que c'est comme à la foire de Freilberg. Les premières parties sont souvent gratuites. Et nous en sommes encore à la première partie. La foire de Freilberg. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune publicité sur ces sites. Alors que c'est quand même le nerf de la guerre pour les journaux. Comment arrivons-ils à survivre? Ce n'est pas un échantillon, en fait. C'est plutôt une drogue d'initiation. J'ai remarqué une chose. Les résultats de recherche que j'obtiens sur Google sont souvent orientés vers la finance. Il a compris ce qui m'intéressait. Mais qu'arrivera-t-il quand ils couperont les vannes? Il faudra bien payer. Les fausses informations deviendront monnaie courante et seront prises pour argent comptant. Et ensuite, que se passera-t-il? Lorsqu'ils décideront de s'en servir pour répandre encore plus de bêtises dans le monde, les médias, les journalistes, les politiciens, nous devrions tous faire preuve de méfiance envers ce machin. Je vais aider Pete. Il regardait son portable comme si c'était une boule de cristal. Et ce jour-là, en une poignée de secondes, Monsieur Harrigan avait prédit l'avenir. L'avenir d'Internet. L'avenir des infos, des fake news, des réseaux sociaux, des pare-feux et des spams, de Julian Assange et d'Edward Snowden. Du monde entier. Voilà, donc, bah, comme on disait, même s'il change parfois l'ordre, c'est quand même un film qui est globalement très fidèle à la nouvelle et qui va juste pas mal raccourcir certains trucs. Ou en allonger d'autres. Ou en allonger d'autres. La principale différence ici, c'est qu'il y a effectivement une version un peu actualisée, comme on le disait, avec l'idée des fake news. Oui, c'est vrai. Qui est bien trouvé, hein, qui franchement, comme ça, au moins ça colle à l'air du temps. Oui, bah c'est ça, c'est assez logique dans l'air du temps de vouloir en parler et de montrer que, bah, en effet, le téléphone a posé des bases d'un truc. Dans la nouvelle, ce sera dit par la suite, que ça a aussi, ça nous a mené aussi à aller vers des sources d'informations de moins en moins bonnes pour continuer à avoir la gratuité au final. Et qu'effectivement, oui. Beaucoup de journaux de qualité très moyenne se sont développés parce qu'ils ont continué à proposer quelque chose de gratuit qui a été financé par les pubs. Oui. Mais du coup, oui, c'est plutôt intéressant que Harrigan voit tout ça venir et qu'en fait, il y a un peu l'idée que comme lui, c'est un homme d'affaires, bah, tout de suite, dès qu'il voit un nouveau truc, il cherche là où c'est exploitable. Et en fait, il ne croit pas à la gratuité d'office de base. Il réfléchit sur comment on exploite ça. Et donc, comment les gens qui créent ces trucs vont finir par en faire quelque chose d'utile. Oui, comment ils vont en faire une manne financière. Ouais. C'est vrai que ça colle parfaitement au personnage. Bah oui. Et pour le coup, je trouve que la scène est bien jouée par les deux acteurs, mais pour le... là, je suis d'accord avec ce que disent les gens, c'est plutôt deux bons acteurs, donc voilà, ça fait oui, voilà, c'est ça. Taf. Plus tard, il y aura aussi une réflexion autour de, des spams et du, fait que, et du ciblage, du fait que les téléphones, en fait, n'ont pas besoin de connaître notre nom et compagnie, il suffit qu'ils aient des informations sur ce qu'on consulte, sur ce qui nous intéresse, et ça sait cibler les publicités ou ce genre de trucs. Oui, et même Craig fera une réflexion comme quoi, mais ils connaissent pas nos noms, et Harrigan dira, bah oui, mais mon nom, ils s'en foutent, en fait. Oui, voilà, il a aucune importance. Ce qui les intéresse, effectivement, c'est mes centres d'intérêt. Ouais. Mais là, encore une fois, dans le film, bah, après, c'est suivi par une voix off. Alors, en soi, qui correspond à un paragraphe de la nouvelle, c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est pas le même format. Donc, la voix off, elle est nulle dans le film. Bah, surtout voilà. Que c'est pour quelque chose qu'on a compris, quoi. Bah oui, c'est ça, pour quelque chose qu'on a bien compris. On a bien compris les parallèles, on en est conscient. Donc, il n'y a pas besoin d'insister dessus comme ça, ça me saoule. Mais ça reste un moment plutôt sympathique et qui montre bien aussi la naissance de la fascination de Harrigan pour son téléphone, quand il comprend en fait que c'est quelque chose dont il ne pourra plus se passer parce que c'est effectivement quelque chose qui permet, qui est une arme utile, bah, surtout dans son domaine, s'il veut continuer à s'intéresser à la finance, en fait. On ne peut plus vraiment faire sans. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, toi ? Non, moi je pense qu'on a fait un bon tour. D'accord, bah alors passons au classement. Très bien, alors comme d'habitude, c'est l'heure du classement. Le classement des écrits, donc nouvelles et romans, je m'en occupe. Celui des adaptations, donc séries télé, films, courts-métrages, c'est du côté d'Issam. Pour les écrits, nous en sommes actuellement à 70 œuvres. Les 5 premières étant Sacdos, Cimetière, Ça, Charlie, Histoire de Lisette. La dernière entrée de ce top 5 étant Charlie, il y a 2 épisodes maintenant. Non, non, Charlie, c'était entré très tôt. Il y a 2 épisodes, on a fait la dernière adaptation, mais le roman, il est entré une éternité. C'est Histoire de Lisée, la dernière. C'est vrai, en fait, non, en fait, ouais. C'est la bonne adaptation qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. Bah oui, c'est ça. Non, c'est Charlie. Et les 5 dernières étant L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et Les Tommyknockers. C'est là le dernier entré étant Les Tommyknockers, ça commence à dater un petit peu quand même. Oui, oui, le top et le flop 5 n'ont pas été modifiés depuis un bon moment hein, quand même. Alors, où placer le téléphone de Dr. Harrigan, qui comme je l'ai dit n'est pas une nouvelle qui m'a passionné, qui m'a vraiment passionné. Il y a une première partie sympathique et une seconde que je trouve beaucoup plus poussive. Et où est-ce que je la placerais ? Tu vois, par exemple, je préfère clairement, on va taper vers le milieu, je préfère Le Rapace Nocturne, clairement. Alors attends, Le Rapace Nocturne qui est à quelle place ? 43e. Ouais. En nouvelle qui flirte avec le fantastique, justement, où tu ne sais pas trop, Mémé, je préfère Mémé. Oui, moi aussi, et Poste de Nuit aussi. Voilà, après, plutôt bien. Le doigt télescopique, Le Grand Bazar, Petit Soldat, je la trouve aussi plus fun, quoi, plus agréable. Ouais, là, on est dans des nouvelles d'un autre style, mais qui sont amusantes. Croque-mitaine. Je pense que ça va commencer à coincer aux alentours de la Cadillac de Dolan. Ouais. C'est peut-être au-dessus de la Cadillac de Dolan que je le mettrais, moi, quand même. Parce que il y a vraiment des grosses longueurs dans Dolan. Ouais, pour moi, ça va entre la salle d'autopsie 4 et le Cadillac de Dolan. La salle d'autopsie 4, c'est celui avec le mec qui n'est pas totalement endormi, en fait. Ouais, qui s'est fait piquer par un serpent, morte par un serpent, pardon. Ouais, je trouve que celle d'autopsie 4 est mieux maîtrisée, quand même. Donc ça serait entre les deux, pour moi. Si tu es d'accord avec ça. Ouais, ça me va. Donc ça fait la 51e place entre salle d'autopsie 4 et la Cadillac de Dolan. Au niveau des adaptations, il y a pour l'instant 112 œuvres de classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Mon Roman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Bon, là, c'est pas très bien, mais le truc, c'est que les films, il y en a tellement des pas très bien qu'on va quand même bien remonter. Ah oui, quand même. C'est-à-dire, c'est pas très bien, mais c'est quand même mieux que Creepshow 3. Hein. Ouais, oui, largement. Là, moi, je suis arrivé dans la zone de Creepshow 2, donc à la 71e place. Ouais. Et pour moi, c'est mieux que ce qu'il y a dans cette zone-là, quand même, tu vois. Il y a suffisamment d'acteurs qui font du bon boulot, une bonne musique, une photographie pas dégueu pour que ça remonte. Mmh. Pas forcément de beaucoup. Oui. Est-ce que c'est mieux que Dreamcatcher? Ah oui, quand même. Et je pense que c'est même mieux que ça, Il est revenu de Tommy Lee Wallace, que moi je trouve vraiment pas terrible du tout. Cimetière, le Salem de Mike Salomon. Le cimetière aux origines du mal, c'est vraiment pas très bien non plus, quoi. C'est celui qui va peut-être me faire hésiter, c'est Shining, les couloirs de la peur, qui a tous les défauts qu'il a, mais qui a pas de voix off, qui a pas d'ambiance, mais pas beaucoup moins que Harrigan, et qui a une bonne interprétation de l'acteur principal. Oui, en dessous de ce Shining-là, ça me va. Hein. Ouais, moi, c'est là que je le mettrais. Hein. Ce classement qui n'a aucune... Je ne veux rien dire. Mais si. Classement infernal. Donc, téléphone de M. Harrigan prend la 62e place entre Shining, les couloirs de la peur de Mick Garris et Salem de Michael Salomon, ce qui veut dire que les deux adaptations avec Sutherland sont côte à côte pour le moment. C'est vrai. Voilà. C'est beau, hein. Il n'y en aura pas d'autres, quoi. Ah bah non, là, maintenant. Bah non, c'est compliqué. Ouais. À moins qu'il le recrée en IA. Alors non. Et nous allons pouvoir passer au tirage au sort. Je vais agiter. Et tu me dis stop. Eh bien. On fait monter le suspense. Stop. Alors, j'ai un papier. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de trucs écrits dessus. Oula. Ah non, c'est parce que le titre est long. C'est un épisode de Tales from the Dark Side, donc ce sera assez court. C'est The Word Processor of the Gods, qui est réalisé par Michael Gurnick et qui est adapté de la nouvelle Machine Divine à traitement de texte. Ah. Donc ce sera un épisode court. Qui est dans quoi? C'est pas dans Rêve et Cauchemar, ça? Je crois que c'est dans Rêve et Cauchemar, Machine Divine à traitement de texte. Je revérifie. Non, c'est dans Brume. Ah d'accord. Donc c'est un épisode qui doit durer 25 minutes. Hein. C'est une série d'anthologie de ce format-là. Donc voilà, bah, ça fera partie de ces petits épisodes qu'on a de temps en temps. Des petits snacks. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait pas de mal de parfois. Vous Surtout pourrez... à nous. Voilà. Vous pourrez nous retrouver en attendant dans 2 semaines dans un autre podcast dans 30 millions d'attaques avec un épisode consacré à Tarantula. Oui. Film d'attaque d'araignée. Notre précédent épisode sorti il y a 2 semaines, c'était sur Crawl d'Alexandre Aja. Alors, d'araignée un peu Maus costaud, hein. C'est une araignée, elle est grosse. Oui, bon, c'est bon. Qui n'a jamais vu d'araignée de 10 mètres de haut, quoi. C'est vrai, ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @chris-the-lost-days pour moi également sur Blue Sky. Sur Letterboxd, vous pouvez nous retrouver aussi. On met les liens dans la description ainsi que ceux du Discord. Moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube où je fais des vidéos sur le cinéma asiatique. J'espère que tout ça va vous plaire. Bon, je pense que c'est tout. Donc, à dans un mois pour Machine Divine à traitement de texte. Oui. Et en attendant... N'oubliez pas que Graou Graou... Ah non, ça, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. N'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au revoir. Salut.